Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui. Oh oui. Oh là là. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes en très bonne compagnie. Notre première invitée est comédienne, autant dans de la fiction de genre, car on a pu la voir dans la série Marianne, Dark Stories, dans Goal of the Dead ou encore Girls with Balls, mais aussi dans des œuvres plus dramatiques comme Une belle histoire, qui était vachement bien, enfin que moi j'ai adoré, ou récemment le film Fragile. Elle a deux séries qui viennent de sortir, J'ai tué mon mari sur 13ème rue et la saison 2 de HP sur OCS. Vous l'avez compris, on la voit partout, elle est littéralement la Squid Game des actrices. C'est Tiffaine Davio. Bling bling bling, sortez les calages du théâtre. Comédien qu'on a vu tour à tour au ciné, à la télé ou sur le web, créateur de HeroCorp, réalisateur sur la série Mortel, improvisateur de renom, imitateur de passion, tout de suite Joe Dassin. Ah, c'est une... Le voilà sur scène où il adapte le discours de Fab Caro au théâtre Michel à Paris. C'est Simon Astier. Bonsoir. Humoriste, scénariste et comédien bien connu sur YouTube, il a d'ailleurs de nombreuses identités secrètes sur sa chaîne, le rappeur Couteau Voyou, le naïf Gus, le valeureux Slipman et plus récemment Franck Lacarpe. Il est également masqué, lama fâché et copie comique, il va nous le douzième avouer dans l'émission, c'est Jérémy Detlo. On s'est connus, on était gosses, t'étais mon premier love. Bien avant le basket, mon premier titre, toujours ensemble à l'époque. On était croque l'un de l'autre, on était jeunes, on était fous. À qui la faute, on était rien sans l'autre. Balance-toi de gauche à droite, il a le style qui fait mal. Balance-toi de gauche à droite, Adrien Official, c'est Adrien Méniel. Petit bien hommage sûr. À Simon. Bien sûr, voilà, bien sûr, puisque vous avez reconnu le parolier, le chanteur. Oui, mais il y a deux chansons croisées en plus, ça qui est incroyable. C'est ça. C'est ces deux hits. Magnifique. On s'est permis de mélanger ces deux hits. Deux étaient pertinents donc. Pour commencer cette émission, je vous propose de passer aux actualités du Floodcast. Ah oui. Les news du Floodcast. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Non mais tu crois que c'est à l'impro, à l'impro? Ça a vachement changé. Hein. Il y a un magicien qui vient à la moitié. Ouais. Qui fait un tour, ouais. Et on a un chroniqueur acerbe qui va faire le portrait de chacun de vous. J'espère que vous êtes prêts. Sur Kickstarter, une entreprise de jeux de société essaie de financer un jeu auquel on a tous joué quand on était enfant dans une boîte à $40. À votre avis, quel est ce jeu? Ce n'est pas Squid Games, Adrien. C'est un jeu auquel on a tous joué, mais pas sous la forme d'un jeu de société, j'imagine. Bien joué, c'est ça. Ils essaient de se faire du fric sur un jeu où, en fait, il n'y a pas du tout besoin d'une boîte. Avez... Ça, c'est un écreux, je vous le dis. Il n'y a pas besoin de boîte, normalement. Normalement. Et ce n'est pas le jeu du foulard. Voilà. Un indice que je vous donne à tous. Donc, ce n'est pas un jeu de cartes cache-cache. À la merde auquel on jouait dans le train, par exemple. C'est pas ça. Je te vois dans le passé avec un jeu de cartes dans un train. Non, c'est pas un jeu de cartes. C'est dans la cour de récré. Un jeu de cours de récré. Est-ce que c'est cache-cache? Ce n'est pas cache-cache. Il y a les billes, les pogs. Les... Ouais, non, alors ça, les pogs reviennent également, mais c'est pas sous ce projet d'un Kickstarter. Là, ce que vous dites, il y a des objets. Dites-vous que c'est un jeu. Quand genre des gens se faisaient torturer psychologiquement par d'autres, c'est ça? Ils se faisaient taper dans les parties. Ça va, gars? Ah, ça va, non, ça va pas du tout. Est-ce que c'est action ou vérité? Ce n'est pas action ou vérité. Mais je crois qu'il existe également en jeu de société. Sûrement. Parce que ça te donne des idées, du coup, de vérité à demander aux gens et d'action. Oui, oui. Mais c'est un peu ce délire là, c'est-à-dire que genre on y a tous joué sans boîte et... C'est pas un 2-3 soleil. Ah, c'est mais Squid Game ça. La balle au prisonnier, ouais. C'est non, ce n'est pas la balle, ce n'est pas la balle au prisonnier. C'est un truc où il n'y a pas besoin de. Ah, les élastiques là, les... Non. Comment? Avec l'élastique. Ah oui, entre les pieds, c'est oui, ça voilà. Oui, non, ce n'est pas ça. Je pense que c'est un jeu qui est basé sur l'oral uniquement et eux ils ont rajouté. Est-ce qu'il y a une chanson? Pas que, attention. Non, pas que. Non, je ne disais pas attention à toi. C'est pas une chanson, mais il y a une petite formule quoi. Ah, Shifumi. Alors, oui, je te l'accorde, c'est ça, c'est pierre feuille ciseaux. Oh, comment moi j'appelais ça chiffon. Ah oui, il y a deux écoles. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Et bah justement, pourquoi je dis que c'est pierre feuille ciseaux et pas chiffoumi? Parce que dans la boîte, il y a quoi? Il y a une géode d'améthyste brute. Ça sera la pierre. Une paire de ciseaux à broder européen. Ce sera les ciseaux. Et un papier de performance, ils appellent ça en or métallique. Le créateur Kornberg a précédemment financé une parodie de Cards Against Humanity. Et cette fois-ci, il fait un jeu de société parce qu'en fait, c'est un mec qui dénonce. C'est un mec qui dit: oh, bon, on fait des jeux de société tout maintenant. Et bah vas-y, je fais ça. D'accord, sauf que... c'est les mecs de Cards Against Humanity qui font ça. Non, c'est un mec qui avait fait une parodie. Si, c'est ça. Ok, c'est ça. Okay. Non, c'est un mec qui avait fait aussi une parodie de Cards Against Humanity qui s'appelait Offensive Adult Party Player. Ah oui, je me rappelle. Et c'était un truc un peu pour dire que c'était de la merde. Et là, il a fait ça avec pierre, feuille, papier, ciseaux. Donc, je crois qu'il l'a financé quand même. C'est à 19. Ah non, pas tout à fait. Il a reçu 8000 euros et il lui reste 3000 euros du coup pour financer son truc. Donc voilà. Après, le but, de toute façon, c'est juste de. C'est de dénoncer. Il s'en fout. C'est Banksy, de toute façon, ce mec. Donc, je vous le dis tout de suite. Yann Brackbury Chanel occupait un poste très particulier dans la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Après 30 ans de bons et loyaux services, il a été remercié. À votre avis, quel était son métier? On cherche un métier. Justement, qui n'a pas grand-chose à voir avec la mairie. Il était cow-boy. Non, il n'était pas cow-boy. Mais il a été renvoyé... Attends, pardon, il a été renvoyé de quoi? Pourquoi? Bah, juste au bout de 30 ans, ils n'ont pas renouvelé son contrat. Ça faisait 30 ans qu'il officiait dans ce métier. Mais il fait un métier qui n'a plus lieu clown. D'être aujourd'hui? Franchement, c'est un métier qui n'a jamais eu lieu clown. D'être. Non, pas clown. Il ramassait des chiens. Pour... dans la rue, je sais pas, comme ça. Et il y reposait plus loin. Les redistribuer. Il en mettait plus loin. Ah, j'ai qu'on en besoin. Aléatoire. Je t'ai économisé un peu d'énergie, le chien. T'as pas eu à marcher pendant 50 mètres. Non. Mais quand tu disais cow-boy, on était dans ce genre de métiers qui ne sont pas vraiment des métiers. Super sans héros. Des il gens était super héros. Mais non, ça c'est Simon ou quoi? Allez petite là. Ref. Petite série. Allez là. Héros Corp. Ah, merci. mais on est dans cet esprit-là. Est-ce qu'on est sur un truc, pardon, désolé, un truc daté quoi? Ou alors oui, daté, mais même pas. Oui, mais pas vraiment. Poinçonneur. Oui, daté. Poinçonneur. Non, ce n'est pas poinçonneur. Il ne s'agit pas de Serge Gainsbourg. Crieur. Non, parce que ça avait une utilité. À une non, époque. On est plus proche. Là, vous allez sur des métiers qui n'existent plus. Oui. Là, c'est plus un métier qui techniquement oui. n'a jamais vraiment existé. Oui, donc c'est pas réellement un métier. C'est un. Selon moi, après, il y aura peut-être des un gens politique. Qui vont. Oh. Allez, ça dénonce, ça dénonce ou pas? J'ai l'impression que c'est un peu dénoncé. Ouais. Libère arrive, elle taille des pulls. Cracheur de feu. Non. C'est un vrai métier. T'es jamais. Ouais, c'est bon. Testeur de quelque chose? Non, pas un testeur de quelque chose. Cracheur de feu, c'est un vrai métier. T'es jamais allé dans un festoche ou quoi? Une fois par an, on fait semaine d'Avignon, merci. T'as dit quoi, Simon? Est-ce qu'il y a une notion de service, de rendre service, de sauver des gens, de. Oui, mais je pense que ça va te perdre. Chatouilleur, il était chatouilleur. Il n'était pas chatouilleur. Qui doit exister aussi, je pense, sûrement. Dans des endroits mais plus crado. Voilà. Il y a un documentaire qui est incroyable. Un retournement au milieu qui est fou. C'est vrai, j'ai vu ça en plus. Très glauque. Oui, très glauque. Oui. C'est Marocco. Pensez peut-être dans la fiction, peut-être un métier de fiction. Peut-être inspiré métier... d'un film qui existe. Alors, c'est pas aussi précis, mais d'un type de film qui existe. Inspiré d'un truc un peu fantastique. Totalement fantastique, peut-être même un petit peu fantasy, voilà. Dresseur de dragons. Non, mais on s'approche. Chevalier. On n'a jamais chevalier. Été aussi proche. On est dans ce champ lexical. Dresseur de moutons. Non. Magicien. J'ai envie de te l'accorder. Fantôme esprit, non. Si, je suis fantôme depuis 2 ans. Chasseur de fantômes. Non, mais tu avais plus ou moins le même. Magicien, c'est un sorcier. Un sorcier. Tout simplement. Oui, bien il a sûr. Un compte Insta ou pas? Bah, il est très célèbre, hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est défendu. Il a dit. Mais pourquoi vous me virez? Je suis il ne tire pas parti de ma notoriété mondiale. Ça a été ses mots après son licenciement. Bien sûr. Après plus de 30 ans de service, le sorcier de Christchurch a été contraint par le conseil municipal de quitter ses fonctions à 88 ans, quand même. Allez là, le c'est l'heure de la retraite. Pendant 30 ans. Qui c'est qui le paye du coup? Parce la mairie. Que... C'est les impôts. Pendant 30 ans. Il a touché un salaire en tant que sorcier. Ouais. Franchement, réellement payé par la mairie. Bravo. Respect à ce monsieur. Respect à lui et un peu content qu'il les verrait. Même si à 88 ans, c'est dur. Quand même, faut aller. Il était une célébrité de la ville avec sa robe noire, sa longue barbe, ses cheveux ébouriffés et un chapeau pointu sur la tête. Pardon ? Ça s'appelle un clodo dans les autres villes en France. Ce magicien était de tous les combats. Fustigeant les politiques ou menant une lutte pour empêcher que l'âme de la ville soit attaquée quand les cabines téléphoniques rouges devaient être repeintes en bleu. Eh oui, c'est un vrai sorcier le mec. Non. Il était sollicité également pour jeter des sorts afin d'influencer les résultats lors des grands matchs de rugby ou effectuer une danse de la pluie quand l'Australie en manquait. c'est bien. C'est une décision difficile de mettre fin à ce contrat, a déclaré Lynn McClelland, adjointe au conseil municipal. Clairement pas, vraiment pas. 10 secondes pendant la réunion. Réunion, on vire le clodo. Ouais. Ok, alors ensuite, les poubelles jaunes. L'adjointe a expliqué que la magie ne correspondait plus à l'image que la ville entend promouvoir. Non, bah oui, bien sûr. Puisqu'elle veut mettre en valeur maintenant une ville dynamique, diverse et moderne. Voilà, donc. Selon lui, selon le sorcier, c'est défendu en disant que c'était des bureaucrates sans imagination. Voilà, bim, il les a bien clashés. Ah, donc il n'était pas vraiment, s'il parle d'imagination, il n'était pas vraiment sorcier, le mec. Oh, c'est vrai, c'est autocassé, Brice Denis, pour moi. Alors aussi, il faut que vous sachiez que ce sorcier touchait 16 000 $ par an. Voilà, donc c'était pas non plus... Ah, mais quand même. Ouais. Ouais, mais ça reste mal, quand même vraiment cher payé hein, pour... Il avait un compte Insta ou pas? Comment? Il avait un compte Insta et tout, il faisait des placements de produits? Non, écoute... Peut-être qu'il va... Oui, c'est ça, je pense qu'il va se reconvertir là-dedans, mais l'article ne le dit pas. L'article ne le dit pas. Il va être influenceur. Allez, merci. Tu peux partir direct, bravo. Partir faire carrière dans la littérature. Exactement. Est-ce qu'il y avait des métiers que vous vouliez faire quand vous étiez petit qui n'existaient peut-être pas vraiment? Comme justement chasseur de dragons, cow-boy. Ninja. Toi, tu voulais être ninja? Enfin, ça existe un peu, j'ai cru voir. Il y avait des mecs un peu. Non, mais moi, en gros, c'était. Bah, quand j'ai vu Indiana Jones, je voulais être archéologue. Bien sûr. Quand j'ai vu le film Les Tortues Ninja, je voulais être. Tu voulais être mutant? Ouais. Ninja, et j'avais mon ami Florian. Peut-être, écoute, je le salue, qui, un peu mytho à l'époque, m'avait dit « Mais moi, mon oncle, il a fait une formation de ninja, il est ninja maintenant. » Je disais « C'est génial, je vais faire ça ?» Bien sûr, c'était faux, évidemment. T'en sais rien, peut-être. Tu l'as croisé. J'en ai reparlé, hein, c'est toujours mon ami. Donc, à ce moment-là, tu t'es retourné, il était comme ça, accroché au plafond. Tu croises pas un ninja. C'est le principe. Et voilà. Mais j'ai toujours un peu ce truc de kung-fu, de ninja, quand même, dans un coin de ma tête depuis tout ce temps. Bah, bien sûr. Je suis un peu un ninja. Je t'ai vu faire. Tiffen, toi, il y avait un métier comme ça qui te. Non, moi, c'était un métier qui existait. Je voulais être vétérinaire, mais d'animaux pas malades. Parce que vraiment l'idée de piquer ou de ah oui. Ouais, tout ce qui est médicament. Moi je voulais juste faire des câlins, enfin j'étais très je que c'était vraiment cool. Après on m'a expliqué qu'en fait ça n'existait pas. Que la plupart du temps tu piques des chiens malades, ouais, et que c'est vraiment moins gaulerie. Doxiteur, tu ouvres et tout, c'était glauque. Tu peux être doxiteur, tu peux faire. Oui, c'est vrai. Tu les surveilles, tu peux leur faire des câlins et tout. Mais alors, dans ce cas-là, ne va pas sur le site. Alors, je veux pas leur faire une mauvaise pub, mais à une époque, bon, j'étais un peu triste dans la vie, et je suis allé sur le site Adopte un toutou. Oui. Qui est en gros un. Pire site de la Terre. C'est toute la déprime, la dépression. Quoi? On a le droit d'aimer les chiens dehors dans ce pays? Ne dites pas, c'est pas ça. Ne dites pas, c'est pas ça. Et en gros, c'est des particuliers qui disent voilà, moi, mon chien a besoin d'être sorti, et d'autres particuliers qui disent bah, moi, j'ai besoin de sortir des chiens parce que la vie, elle tape. Tabasse un petit peu. Moi je trouve et donc super. Du coup tu pouvais sortir des chats. Oui, sauf que pourquoi j'en parle, c'est que ça fait 8 ans que je suis sur ce site et je n'arrive pas à me désinscrire. Donc tous les mois on m'envoie des photos de chiens et j'essaie de me log out, de dire bah stop, arrêtez, et quand même je reçois des mails. Donc c'est copain d'avant en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est ou LinkedIn ou trucs comme ça, ils te disent non mais réinscrivez-vous. Tu fais ouais mais non mais c'est bon là, ça va aller. Donc c'est bon. Ouais. Oh. On le bah dit. Oui, bah oui, pardon. Ah bah oui, je le vis prêt, c'est pas grave, c'est le vis prêt. Oh, pardon. Oh, t'inquiète. Simon, toi, t'avais un métier que tu voulais faire? Super héros, Hérocorp? Non, moi, je voulais être archéologue aussi quand j'étais plus petit. Par rapport à Indiana Jones ou pas du tout? Non, par rapport à, je sais pas, chercher des trucs et trouver au fond, je sais pas, d'accord, des vérités de l'histoire. C'est ce que tu fais à travers l'écriture? Non, maintenant. Absolument pas. Vraiment pas du tout. La vérité. Ça n'a rien à voir. Vraiment. Si, un peu. C'est un pas peu. Du tout le bah. Même délire. Non, mais c'est pas la même histoire, c'est l'histoire avec un petit H. Ouais, c'était un peu. Non, vraiment pas. C'est un pinage de la vérité. Après, moi, je voulais jouer dans. Pinage. Dans Hartley, Cœur à vivre quand j'étais petit. Ah ouais. Et alors, je voulais être un enfant qui jouait dedans. En fait, je voulais, genre, vraiment être dans des intrigues en tant qu'enfant, mais grand, pris comme grand. Et après, c'était dans Sauvé par le Gong. Je voulais jouer dedans aussi, parce que j'étais hyper amoureux de plein d'actrices de ce truc. Donc, tu voulais être, genre, t'as le droit de conduire des voitures et tout, voilà, mais t'es un enfant. Mais j'ai 9 ans. Et en fait, personne le remarque. Tu sais, personne le note. Mais oui, oui, en mon fait. Rêve. Mais surtout qu'Hartley, Cœur à vivre, ils passent un peu leur temps à prendre de la drogue et ouais, et mais c'est ça. Ouais. Très bien. C'est ça, tu trouvais ça génial. Bah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi j'ai vu plein de trucs. Je me suis rendu compte que j'ai vu Seven à 10 ans. Ah ouais. Et l'autre jour, en fait, je me suis dit ah c'est pour ça en fait. C'est pour ça que quand il y a un colis Amazon qui arrive, tu fais oh mon Dieu. Ouais, ou alors même pas. Ou alors genre s'il y avait un truc, bah je ferais oh c'est pas grave, c'est la vie, tu vois. T'es formé à ça, je crois. Mais ça, en même temps, j'ai l'impression que quand tu regardes des films d'horreur ou policiers jeunes, c'est ceux-là qui te marquent. Ouais, quand ça te marque bien la gueule, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Seven, ouais, ça oui, marche bien. T'adores le film? J'adore le film. Mais donc il y a ce truc où moi quand j'avais voulu voir L'Exorciste plus vieux, pas plus vieux sous la pluie bien sûr. Hein. Bon, ça serait la suite. Hein. L'Exorciste plus vieux, c'est le deux. Bah construisez un toit et bah enlevez le diable. C'est le sorcier de L'Exorciste plus vieux. Non, c'est bon, ça va se calmer, je vais faire une incantation. Non mais je l'ai dû le voir là il y a pas si longtemps et tu perds un truc quoi. Alors je pense que ceux qui l'ont vu à 8-10 ans alors que t'avais pas vraiment le droit, ils sont traumatisés à vie. Ouais c'est ça. C'est l'idée. Et même Jurassic Park, je pense que si c'est un film important pour moi, c'est peut-être parce que je l'ai vu jeune aussi. Donc j'ai l'impression que ça a quand même un peu un impact sur ça quoi. Oui non mais je après Seven c'est glauquissime. Ma mère m'a emmené, oh bah c'est bon, je l'emmène, pas de soucis. Il y a le gars de Légende d'automne. Des meurtres. Ouais, super. Des meurtres chelous. Pervers. Ok, super. Très bien. C'est vrai qu'il y a littéralement un couteau dans le cul, des trucs comme ça. Il y a, c'est vrai. Je sais pas s'il y a pas dans le cul, non. Dans le. Je me rappelle pas de cette séquence. Dans le vagin. Non, non, mais dans le vagin. Si, si, il y a un god ceinture couteau. Oui, c'est ça. Et il se force à baiser. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Si, je me rappelle. La lecture. Où je confonds avec les couloirs du temps. Enfin, c'était la même époque. C'était la même époque. Toi, Jérémy, un métier que tu voulais faire? Moi, avant illustrateur, c'était guépard. Vraiment, genre Arte, documentaire animalier, je voulais être un guépard et évoluer avec les guépards. Et mes coussins et les traversins étaient les antilopes et les gazelles. Ah ouais. Je les mettais dans ma chambre et j'arrivais tout doucement. Mais ça jusqu'à tes 19-20 ans quoi. Ouais, ça durait jusqu'à... Tu peux nous dire que tu fais encore. Mais en vrai, genre maintenant ils existent, tu sais les mecs qui traînent avec les lions dans la savane, genre c'est leurs potes et tout. Ah oui, j'ai vu. Ouais. Bah, eux, j'aimerais être encore ces gens-là. Mais il y a même des gens qui se transforment physiquement, le visage et tout. Ouais. Non, mais pour devenir des lions et des trucs, c'est assez fou. Ah, mais genre avec du latex, enfin avec du botox, des trucs comme ça. Ah, oui, ah si, ouais. Mais oui, j'avais entendu parler d'une meuf qui a fait ça pour son mec. Ah, faut taper ça sur Google, c'est assez dégueulasse. Il y a les furries aussi. Ah oui, voilà, c'est ça. Les furries qui se mettent des plugs, un plug anal avec une queue de guépard, tu peux faire ça par exemple. Jérémy, tu vas tomber des taxis. Moyennant 60 euros, franchement. Juste ça, pour commencer, c'est la première étape, tu vois. Si t'as encore ce rêve d'enfant, tu peux te mettre un plug dans le cul. Ouais. Ça rentre dans mon budget. Mais pas que dans ton budget. Ouais. Alors, c'est marrant, c'est un peu lié à tout ce qu'on dit, pas et le plug. Hein? Et toi? Ouais. Non, mais moi en vrai, c'est un peu nul. Je pense vétérinaire un peu toi, aussi. Toi, tu voulais faire du cinéma dans ta cabane à branlette là. C'est quoi cette cabane? Alors, non, attendez. Il y a une photo de... Je me suis promis d'arrêter de dire que t'enculais des chiens. Je propose qu'on arrête avec la cabane à branlette. Okay. Qu'on se fait un pacte. On se dit que c'est terminé. Est-ce qu'on t'envoie des DM sur la cabane à branlette? Tous les jours. Non, dès qu'il y a une photo d'une cabane, et il y a beaucoup de photos de cabanes sur internet, notamment. Que je poste moi. En disant je vis ici, et les gens me les envoient en disant branle-toi là-dedans. Okay, merci pour le soutien. Merci beaucoup. On se serre la main et voilà. Ça doit pas être facile, t'as vu, entre les photos de chiens, les photos de cabane à branlette. J'ai un Insta particulier. Donc, oui, non, c'est un peu lié à ce qu'on était en train de dire, puisque en décembre 2021, au plus tôt, une formation en ligne disponible sur la plateforme Nindo, bon, un détail dont on se fout, mais je vous le donne, va voir le jour. C'est la seule certifiée qui vous permettra d'avoir un vrai diplôme dans une activité qui n'en avait pas jusque-là. C'était une activité où vous n'avez pas besoin de diplôme. À votre avis, laquelle? Ninja. C'est une très bonne réponse d'Adrien Méniel. Mais non, Oui, bien sûr. Wow. C'est pour ça que je savais... Alors, j'aurais peut-être dû vous laisser chercher. Non, non, c'est pas ça que je me disais. Mais en fait, c'est pour ça que je me disais que ça me disait quelque chose. C'est que j'avais vu ça, en fait. C'est la première et unique formation en ligne pour obtenir un diplôme de ninja en certifié. Ligne. Ouais, c'est en ligne. Comment tu peux te former en ligne pour être un ninja? C'est vrai. En vrai, si c'est pas trop cher, je vais peut-être le faire. Je fais un Kickstarter pour qu'on me paye la formation et je deviens ninja. C'est ce que j'avais dit, en fait, tu fais un truc en ligne pour qu'on t'aide à payer. En gros, là, c'est. Ça va le jour donc, au Japon. Un enseignement ouvert à toutes et à tous, partout dans le monde. Explication: devenir ninja, c'est désormais une réalité. Il s'agit d'une initiative lancée par le Japan Ninja Council, donc conseil ninja du Japon. Créé il y a 5 ans par 11 gouverneurs et maires japonais. Donc c'est pas une entreprise se lance là-dedans, c'est un truc un peu officiel. Et donc ce sera des cours avec le dernier véritable maître ninja du monde. Donc voilà. Les ninjas existent. Bah oui, bien sûr. Bah oui, ça existe, les ninjas. Bien sûr. Moi j'en étais pas sûr, je pensais que c'était vraiment comme un songe. Ah ouais. comme non, un songe. Bah ouais, c'était dans une ombre, tu vois, dans un truc, un ninja pour moi. C'était Alain Bachung ou c'est quoi? Comme un songe, c'est son album, ouais, ça veut dire un album d'Ayam. Et dans une ombre, c'est la première en plus. Donc, les connaissances et les techniques de ninjutsu transmises seront très précises d'après le site d'actualité Sora News. Les participants apprendront des méthodes ancestrales des ninjas. Le programme est fondé sur de véritables écrits historiques de maîtres ninjas de la période Edo qui s'est étendue au Japon de 1603 à 1868. Il y a des prérequis pour pouvoir s'inscrire? Alors, il y a des prérequis pour s'inscrire? Bah, je sais, oui. Je suis sur le site là. Vas-y. Et alors, j'ai dit, je vais faire un Kickstarter. C'est un Kickstarter, le truc déjà en lui-même. Ah! C'est-à-dire, tu participes au Kickstarter et en échange, tu as la formation. Donc, d'accord. Bon. Déjà, ouais, on est moins bien. Je vais voir combien ça coûte. Mais là. Faut acheter du matériel ou pas? Bah, ils disent pas, écoute, pour le moment. T'es tellement chaud. Une pelle. Un stylo 4 couleurs et des cahiers à grand carré. Attends, parce que moi je suis sur le Kickstarter, il y a marqué financement non réussi. Ça se finissait le 12 juillet, donc. Ah non, mais alors c'était peut-être pas de la même chose, parce que moi c'est vraiment un article très récent. Hein. Et le mec s'appelle Ninju, hein, c'est ça? Non, il le ninja il... s'appelle. Il y a plusieurs fois, c'est vraiment ça, le c'est ultra de Nindo. Il s'appelle Jean-François Chelou. Ninja. Jean-François Shuriken. First Ninja Online Academy. D'accord, bah écoute, non, mais c'est peut-être la même chose. Pas réussi à se financer. Donc. Et enfin voilà, bon, très bien. À partir de février 2022, les jeunes parents, quitteront la maternité avec un petit quelque chose, à votre avis? Quoi? Attends, quel était le début de la phrase, pardon? Bien sûr, à partir de février 2022, les jeunes parents en France, on parle de la France, quitteront la maternité avec un petit quelque chose que les parents n'avaient pas jusque-là. À votre avis, c'est quoi? Un objet? C'est un objet. Une info pas spécialement rigolote. Hein, juste, un rapport avec le Covid? Non. Le merde, comment ça s'appelle? Cordon ombilical. Oui, sec, tout sec. Non, en pendentif. Où tu graves le prénom de l'enfant dessus. En bracelet brésilien. Le placenta. Non. Tout ça reste à l'hôpital. Organisé, c'était pas objet. Très marrant. C'est un objet. Qui sert à quelque c'est chose. C'est pas trop fun. Non, c'est pas glauque non plus, mais c'est juste un truc. Voilà, vous attendez pas un truc fou quoi. C'est un juste réveil ça. Non, pas un. C'est en lien avec l'enfant ou c'est en lien avec les parents? C'est en lien avec les deux. Avec les deux. Une petite figurine de l'enfant en 3D. En 3D. Oui, on pourrait voir peut-être certaines parties du corps un peu. Ouais. Non, pas du tout. Non. Non, ce n'est pas ça. C'est à des fins médicales. C'est peut-être pas médical, mais c'est pour aider. C'est pour aider les parents. C'est une poupée. De la drogue. Pour leur... Xanax. Non, pas du Xanax. C'est pas une poupée, des boules. Si tu la secoues, elle dit ne faites surtout pas ça. Bah, t'es pas si loin de la réponse. Bah oui, c'est de la prévention un peu. Un guide. Voilà, bah, c'est un peu ça. C'est un guide, ce qu'ils ont appelé une bébé box. Mais le nom est pas dingue. Non, vraiment. Ouais. Non. Et en gros, c'est un sac en bandoulière avec une turbulette pour que les parents puissent être accompagnés sur les premiers mois de la vie du bébé. Voilà, pour les prendre en main. Et ça n'existait pas jusque-là, c'est pour prévenir de la mort inattendue du nourrisson, qui est le truc dont on entend tout le temps parler quand on a des enfants. Ouais. Et bon, pour le moment, ils disent on a appelé ça bébé box, mais pour donner une idée de ce que c'est, mais ce sera, comme dit, un sac bandoulière, le principal support de communication des messages de santé publique des 1000 premiers jours de l'enfant. Donc voilà, c'est pour accompagner les parents pendant deux ans. Il y a quoi dans le sac? Parce qu'une turbulence, c'est un truc pour dormir. Parlez. Des mouchoirs parce que tu vas chialer ta mère. Un stéthoscope dedans. Non, la turbulette, c'est le truc où tu dois coucher l'enfant. C'est non, ça. C'est ça. Bah, il y aura ça avec un sera combiné d'un message. Ça va bien prévenir l'enfant de mourir, ça, du coup. Il est moins à risque pour le bébé de dormir dans une turbulette. Bah, en fait, si, parce qu'une turbulette, justement, ça empêche de s'étouffer, de tout ça. En fait, c'est un truc qui j'ai pas d'enfant, j'ai juste c'est un truc qui. tu peux le mettre sur la turbulette. À bretelle. Merde. C'est ça. C'est un peu un truc qui permet de bloquer un peu le. Tu peux bloquer un peu le corps aussi et tout. Pour éviter les portes qui bougent pas. C'est pas qu'il se sauve en fait. C'est jamais. C'est tu vois, touffe son enclos en fait. Il peut se barrer et il retourne dans la nature. Mais tu vois, les enfants, en vélociraptor en fait. D'accord. C'est ça. C'est une turbulette pour vélociraptor. Il y aura aussi un petit livre pour que l'enfant puisse, avec des interactions par un éveil artistique et musical. Le livre de Zemmour, malheureusement. C'est rigolo ce qu'ils disent quant au choix du livre. À ce stade, il n'a pas été tranché. Donc c'est peut-être. Non, mais en gros, c'est vraiment pour accompagner les jeunes parents qui ne savent pas encore comment s'occuper d'un bébé. Donc il y a des objets, typiquement une turbulette. Il y en a qui peuvent se dire, bah non, mais je le fous dedans, je lui mets des draps, machin. Donc ça, évidemment, faut éviter parce que l'enfant peut s'étouffer, des choses comme ça. Donc il y aura aussi des petits jouets, des trucs. Donc non, il y a. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que si c'est gratuit, ça va coûter, j'imagine, un argent fou. Et qui c'est qui paye? Et bah, c'est toujours le même. Hein, voilà. Ils ont viré le sorcier. Mr. Gox. Est-ce que vous savez qui est Mr. Gox? C'est streamer. Non, oui, ça pourrait. C'est quelqu'un qui est en train de révolutionner le monde de la bourse, à votre avis. Donc, qui est-il? Que fait-il? D'où vient-il? Chasseur. Non, j'ai oublié les paroles. Formidable robot des temps nouveaux. Voilà, c'est ça, excuse-moi. Mr. Gox? Mr. Gox. Mais attends, c'est un pseudo ou il s'appelle Mr. Gox? Son prénom est Mister et son nom de famille. On dirait vraiment un nom de streamer, Mr. Ouais. Gox. C'est un pseudo, mais ça va être un petit peu un indice. Ce n'est pas un pseudo qu'il a choisi. Ah, on lui a donné. On lui a donné ce pseudo. Gox. Non, mais ça va pas vous. Enfin, voilà, c'est juste, c'est pas lui qui a choisi. C'est un rapport avec la bourse. C'est un rapport avec la bourse. C'est, en fait, il est en train de révolutionner le monde de la bourse. En niquant le système, par exemple. Bah, c'est en ce provoquant tous. Non ouais. Exact. Putain, mais ça dénonce à chaque fois. Ouais, ouais, moi, je suis vraiment là pour ça qu'on m'a invité. En fait, tu dénonces sec. Est-ce qu'il a fait... J'aime bien. Est-ce qu'il a fait un dernier coup récemment? Récemment, en fait, il enchaîne un peu les coups. C'est parce que c'est par les coups qu'il fait au sein de la bourse qu'il révolutionne le truc. Et effectivement, en vrai, ta question est totalement légitime puisque c'est ça. C'est en gros, il est en train de prouver que ce système n'est pas très précis. Il arrive à modifier lui-même comme il veut le cours des actions, par exemple. Alors oui, mais pas vraiment. Enfin, pas vraiment volontairement. Ouais, c'est encore plus flou, mais vous allez encore... En postant des trucs sur internet, en ayant compris que si il crée des fake news, il peut faire monter ou baisser le cours des trucs. Ce serait magnifique, mais c'est plus con que ça. Plus con que ça. C'est vraiment beaucoup plus con que ça. Tabasse des mecs en leur disant vends tes actions. Vends tes actions ou je te bute. Et ils font ok. Et c'est un peu tous ceux qui font aussi, hein, pardon. Hein. Non, c'est pas ça, c'est un truc beaucoup plus aléatoire. Et c'est parce que c'est aléatoire que ça prouve que c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il a fait un bot qui enchérit ou vend des actions de façon aléatoire et il se rend compte que... T'es pas loin, mais n'oublie pas la question de base qui est Mr. Box. Parce que un bot. Bah oui. C'est pas un bot, mais en tout cas, ce n'est pas un humain. Une bot. C'est un chien. C'est un chat, un animal. Un poisson. C'est un algorithme. Un c'est un poulpe. Non, c'est Paul le poulpe. Vous approchez. Oh là là, il a fait longtemps, Paul le poulpe. Bah oui. C'est pas un chimpanzé, c'est un animal, c'est pas un... Tu te rapproches, ça dénonce un hamster. C'est un hamster. Un cochon d'Inde. C'est un hamster. Ah, mais si, j'ai incroyable. Vu sa photo et tout, il est connu. Du coup, tu t'es arrêté. Ah, c'était ça que j'avais vu. Okay. Je comprenais rien du tout. C'est là où lui. Tu t'es dit, allez, j'arrête d'être guépard pour moi. Je vais être un hamster. Ah, c'est ouf. Ouais, c'est un hamster trader de crypto-monnaie. Et en gros, bah oui, bah écoute. Ah, y a rien qui va dans la phrase. Il est en train de prouver les dires de Burton Malkiel, qui a écrit Une marche au hasard à travers la bourse, qui était un livre pour montrer que, bon, bah voilà, y a pas de règles. Et dans cet ouvrage, l'auteur affirme qu'un singe aux yeux bandés lançant des fléchettes sur une liste d'actions dans un journal pourrait faire aussi bien qu'un professionnel de l'investissement. Oh, et bien, depuis le 12 juin, il y a une vidéo en direct, en streaming, qui montre un hamster. Ah, c'est un streamer, j'avais raison. Nommé Mr. Gox, en train de gérer de manière indépendante un portefeuille contenant diverses crypto-monnaies. Jusqu'à présent, les performances du rongeur sont impressionnantes. Vendredi dernier, le portefeuille était en hausse de près de 24%. La performance de Mr. Gox dépasse celle du Bitcoin et du S&P 500 sur la même période. D'accord. Voilà. Bien joué, Mr. Gox. Bien joué. Le propriétaire de l'animal, parce que c'est toujours un peu dégueulasse, a construit une Goxbox, un bureau de crypto-monnaie rattaché à sa plus grande maison. Elle permet au hamster d'effectuer divers exercices physiques pour ensuite exécuter ses transactions spécifiques en crypto-monnaie. Donc une vie bien remplie pour ce... C'est complexe un peu. Christophe Ondelat, je passe un peu du coq à l'âne, le bien nommé, a une théorie. Vous savez, vous connaissez cette théorie sur les tueurs en série, comme quoi la plupart ont un nom de famille qui est un prénom. Émile, Louis, Guy, Georges, toutes ces choses-là. Qui d'autre du coup J'en ai d'autres. Ok. Jean-Louis David. Jean-Louis. Florent Bernard. Il l'a le dit, tueur. je suis un tueur. Multiple tueur. T'es un tueur ou quoi? J'assassine avec mes bons mots, mais est-ce que je suis un tueur? Non, j'en ai d'autres. Ne bougez pas. Qui y a d'autres? Si, j'en ai d'autres. Patrick. Dips. Non, pas non. Patrick Henry. Ouais. Patrick Henry, Guy Georges, Émile Louis, Monique Olivier. Comment expliquer que tous les Monique tueurs Olivier Monique Olivier, qui apparemment a tué des gens. Monique Olivier, c'est pas la femme de. C'est de l'ex-femme de Michel Fourniret. C'est ça. Mais qui a donné un petit coup de main, si on se souvient. Oui, mais Fourniret n'a pas. Non, c'est non. Pas un prénom. Bon, c'est pas une règle. Je pense que c'est n'importe quoi. C'est juste que quand tu prends un échantillon de personnes assez large, il y en a forcément qui ont un prénom, un nom de famille. Christophe Ondelat a une théorie. Alors à ton avis, pourquoi, quelle est cette théorie de pourquoi? Ah, tu le sais? Non, je j'ai une idée, je veux dire. Ah, parce que vas-y. C'est des gens. Ouais. Non, vas-y. Attends, je t'en supplie. Pardon, c'est ton émission. Non, mais justement, t'es l'invité. Je t'en supplie. Vas-y. Est-ce que c'est parce que d'avoir deux prénoms, ça diluerait l'identité? Non, parce que c'est leur vrai nom de famille sur leur carte d'identité, etc. J'ai adoré cette réponse. Mais on voit l'homme qui a vu Seven à 10 ans. Non, mais du coup, tu sais pas, tu te sens anonyme. Oui, c'est pas affirmé comme nom de famille. C'est psychologique, en fait. C'est une identité qui est en fait celle de. Tu veux te faire un nom. Non, mais je comprends ce qui. Oh, bah oui, c'est ça. Mec, je te check de loin comme ça. Non, mais je comprends ce qu'il dit. Genre, quand t'as plusieurs prénoms, par exemple, moi j'ai 3 prénoms, j'ai l'impression que à tout moment je peux disparaître et devenir une autre personne. Waouh! Wow. Ouais. Ça, c'est vraiment les paroles d'un. Ouais, genre, d'un qui je décide de disparaître et je m'appelle d'un coup François. Dupont de Ligonnès. Non, est-ce que... Panthère. Est-ce que c'est parce que quand t'as un prénom comme nom de famille, quand t'es enfant, on se moque de toi et du coup tu deviens un serial killer? Non, non. Est-ce que c'est plus ça. Difficile à trouver dans l'annuaire? Non, c'est pas vraiment. C'est pas un truc de. Comment dire? C'est assez terre à terre comme explication, mine de rien. C'est assez terre à terre. Encore une fois, dites-vous que c'est une théorie de Christophe Ondelat, hein. Y a rien de gravé dans la roche. Sniper. Ah, est-ce que. Ah, putain, est-ce que c'est. Bah remarque du coup la liste ne... Ouais c'est ça. Non parce que moi je disais dis-toi c'est pas si éloigné. Et tu Louis. Ouais. Compliqué. Non attends j'allais dire n'importe quoi je crois. Bah arrête. Non mais est-ce que c'est un rapport avec le genre? Non pas avec le genre. Mais c'est un rapport. Généralement les noms de famille qui sont des prénoms, c'est des prénoms masculins. Généralement, non. Et du coup, il y a peut-être un truc d'hérédité. Du Christophe Ondelat n'est pas si woke que ça. Il est assez woke. Oui, il est assez woke. Il fait des petites remarques, des fois, tu fais, pas mal. Pas mal. Il l'a enculé, monsieur. C'est quand il fait des. Bon, je mettrai l'extrait en fin d'émission. Non, c'est un truc. C'est assez terre à terre et ça se tiendrait presque. Hein. Ah ouais. Dites-vous que. Ça m'intéresse, du coup. C'est un truc par rapport au passé. Ces tueurs-là, ils ont un passé, souvent. Ils ont moins de futur, mais ils ont un passé. Un truc lié à l'enfance. Est-ce que c'est. Pardon, désolé, j'ai hurlé, mais est-ce que ce serait un truc du genre. Quand t'as un prénom, un nom de famille, c'est parce qu'il y a une histoire de consanguinité et du coup, tu deviens plus facilement. Fou. Un tueur. Non, mais c'est lié à l'enfance. C'est lié à l'enfance. Ah. C'est lié au fait. À une pression que tu subirais enfant de par ton nom. Non, c'est un truc vraiment beaucoup plus. Est-ce que c'est perturbant parce que tu sais pas quel est ton prénom et quel est ton famille quand t'es gosse et du coup. Mais c'est rigolo parce que vous êtes autour du truc qui est à savoir un truc par rapport à l'identité. Ouais. Mais je vais vous donner la réponse parce que c'est quand même assez difficile. On aurait trouvé. C'est qu'en fait la plupart, en tout cas c'est le cas de Guy Georges ou d'Émile Louis, sont des enfants de la DAS et donc en fait ont été appelés en général par leur deuxième prénom. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas de nom de famille qui ont été abandonnés. Émile Louis a été abandonné par sa mère. Guy Georges, en vrai, s'appelle Guy Rampillon quand il a été abandonné par sa mère. Et une fois l'abandon reconnu par la DAS, on prend son deuxième prénom, Georges, et du coup, il s'appelle Guy Georges. On n'était pas si loin, mais on n'était pas tout près. Mais c'est un truc d'identité, en fait. Exactement, ouais. C'est vraiment un truc, selon Christophe. Oui, après, voilà, c'est une théorie. Je pense que les gens qui viennent de la DAS ne doivent pas être fans. Non, bien sûr. Enfin, le pourcentage de gens de la DAS qui tuent des gens de manière extrêmement violente. Je pense qu'il y en a. Ça parle plus de la DAS, finalement, que des problèmes des deux prénoms. C'est ça, non, mais voilà. Mais en gros, voilà, je trouvais ça pas inintéressant. Un policier, on est toujours dans des meurtres parce que c'est le bon délire. J'embrasse ma sœur qui vient de la DAS, qui n'a tué personne. Ah oui? Bah oui. Ah oui, non, bah. J'ai jeté un froid. Bah oui. Non. Enfin, à ma connaissance, ça prouve que tout le monde ne tue pas des gens. C'est ça. Tout de suite? Pas tout de suite. Ah oui, c'est vrai, pas tout de suite. C'est le message de ce podcast quand même. Tout le monde qui est ne quand tue même pas des gens. Bienveillant. C'est woke. On est woke. Certaines personnes ne tuent pas. Et ouais. Et ça fait du bien de l'entendre. Franchement. Un policier. Donc a été tué en Inde et on a déjà parlé de ce phénomène dans le podcast. À votre avis, que lui est-il arrivé? Adrien le sait. Un policier a été tué en Inde. En Inde, il y a alors Adrien ne répond pas tout de suite, mais il y a un phénomène. Des gens se font tuer. Je peux peut-être dire. Ah juste, ben, je t'en prie, donne des indices. C'est comme ça déjà qu'est mort, je crois, l'ancien adjoint au maire de New Delhi. Exactement. Alors c'était l'épouse d'un grand c'est chef. Non. Il y a eu le maire ou l'adjoint au maire de New Delhi qui est mort. Il y a aussi l'épouse d'un chef d'un grand parti politique en Inde. Est-ce que ça a un lien avec un animal? C'est totalement lié. Est-ce que ça a un lien avec un animal qui te tue et en fait comme il est sacré tu ne peux pas bouger non. Par exemple. Ah non, c'est pas ça. Non. Mais ils ont trompé le gang des singes. Exactement, c'est ça. C'est une très bonne évidemment. Réponse. C'est vrai. C'est quoi le code des singes? Des petits couteaux et des foulards. Des tatouages. Des petits blousons en cuir. Le prochain Pixar. Ils écoutent Starmania. Le prochain Pixar. En claquant des doigts. Quand on arrive, on vit. Non, en fait, mais en plus, je crois qu'ils sont nombreux en plus. Oui. C'est ça, ils sont très vénères. Ils sont très très nombreux. Ils sont très très vénères. T'as déjà vu Ouais, non, j'avais vu un doc. C'est un vrai problème là-bas. J'avais vu un doc où ils sont vraiment. Ils sont, je sais plus, une trentaine, cinquantaine. Ah, ils sont beaucoup plus. Et ils sont grave forts. Ouais, ouais, ouais. Non, ils sont très vénères. C'est quoi comme race de singe? Alors, j'ai pas tous. C'est pas les babouins? Non, non, j'ai pas tous les détails. Je crois que c'est des macaques. Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est possible. C'est hyper violent, ouais. Ouais, et puis c'est. C'est fort. Non, mais ils sont très nombreux. Et puis c'est très soupolé comme animal. Ils ont un truc, ils prennent mal les réflexions, tout ça. Non, mais ils ont un vrai problème de là-bas. Et c'est le maire ou l'adjoint au maire de New Delhi, il s'était fait courser par des singes sur, sur un Simon toit. S'étouffe. Sur il est tombé toit, du toit. Il est tombé du toit. Ah oui, donc c'est pas forcément les singes qui les butent en fait. Oui, enfin devant un tribunal. Même, je crois que les singes ils prennent perpète. Et c'est des singes de la DAS en plus, donc tous les accables. J'avais vu un truc sur des singes dans un truc que tu visites comme ça, mais ça doit être dans le coin de l'Inde, je sais pas quoi. Et les singes ont compris ce qui avait de la valeur, donc ils pouvaient te voler ton iPhone ou tes Ray-Ban, et après ils attendent un nombre de bananes. Qu'ils estiment en fonction de ce qu'ils ont volé. Ils sont c'est malins. Génial. Tu vois, avec deux bananes, ils font non, je crois pas, mec. Je suis pas né hier, ok. Et après, genre, quatre bananes, ok. Et ils te rendent le truc. C'est fou, génial. Quoi. C'est du racket, mais j'adore. Et après, bon, s'ils sont enfermés. C'est parce qu'on détruit leur habitat naturel que la ville empiète sur leur habitat naturel. Oui, je crois qu'on en avait parlé. On en avait parlé à l'époque. Là, pour on a ce qu'on mérite. Tout à fait. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Pour vous raconter un peu ce qui est arrivé à ce policier, c'est l'homme en fait avait bloqué l'entrée de chez lui avec des briques pour éviter que les singes viennent chez lui. Parce que déjà, ils se croient tout permis, les singes. C'est fou. Moi, je me suis rendu compte que tout l'été, je me suis battu contre des moucherons. J'imagine des singes, c'est vraiment le bordel. Est-ce que c'est un gang de moucherons? J'aurais pas de. Ils avaient des petites vestes en cuir aussi. Du bleu. Ça serait trop mignon. Ils jetaient leur clope dans la cuisine. Ils en avaient rien à faire. Ils sifflaient ma meuf dans la cuisine. Non mais ouais en fait là pour le coup c'est donc ils avaient mis des briques pour que les singes rentrent pas, ce qui a énervé le groupe de singes qui a retiré deux briques. L'une d'elles a été projetée du toit du deuxième étage et une autre a été projetée sur la terrasse voisine où était le monsieur. Et donc le monsieur est mort sur le coup parce qu'il s'est pris une brique. Putain, pas de chance, une brique de singe. Une brique lancée par une brique lancée par un singe. Par un singe. Ouais, comment t'expliques ça Bah à l'enterrement t'es obligé de rire malheureusement. Ouais, désolé, pardon. L'oraison funèbre. Bon. Et effectivement, alors cela survient après la mort de l'épouse d'un chef d'un grand parti politique en Inde qui tentait d'échapper elle aussi à une attaque de singes. Voilà, donc beaucoup d'attaques de singes. Voilà. Vous avez une phobie animale? Bon alors. Jérémy, c'est pas les guépards, j'ai l'impression, mais est-ce qu'il y a des animaux qui vous font flipper? Oh. Punchline. Oh là là. Non, t'as pas de phobie avec les bestioles? Je pensais les serpents, mais au final. C'est pas j'adore. Plus la peur de. J'adore. C'est pas la peur de. Enfin, c'est plus être surpris par le serpent? Moi, je pense pas que j'ai peur d'un serpent si tu me le poses sur moi et tout, mais Si tu as peur. Si tu le découvres, genre, tu rentres dans ton salon, il est là sur ton canapé. Ouais, là, il y a un petit coup de flip, ouais. Mais c'est en général, tout ce que tu découvres sur ton canapé, que tu n'arrives pas à découvrir. N'importe quel animal, même une personne. Ouais, c'est ça. Je veux dire, un humain que je connais pas trop, même que je connais bien. Même un meuble, je veux dire, quand il y a un meuble qui est pas à toi, c'est un peu plus compliqué. Non, je sais pas, quelqu'un autour de Simon, un animal, toi, c'est des insectes peut-être? Moi j'étais allergique à des piqûres de machin, plein de. D'ailleurs, je regarde, il y a une chaîne sur YouTube, mais j'ai pas envie de faire sa promo, donc on va pas. Mais c'est un mec qui se fait piquer par des abeilles. Ah, si. Et qui hurle de douleur. Genre, il teste les trucs. Il les prend avec une pince, donc il les chope. Pourquoi tu regardes ça, Simon? Ça va? Non, ça va pas. Ça va pas du tout, là. Non, ça va pas très bien. Moi je regarde. Je vais pas le cacher en fait. Non, ça va pas très bien. Moi je regarde la bagarre beaucoup, et je sais que c'est parce que je vais pas bien, donc là, c'est pareil. Il attrape des frelons. Mais il va genre dans des pays d'Asie super chelous, des gros frelons comme à l'empreinte carbone. Avec une pince et il se les fout sur le bras, hurle de douleur parce que ça pique et après ça gonfle. Et voilà. Et quel est le. Pardon, mais le. Pourquoi? C'est juste un fétiche quoi. Okay. Non, mais pour tester des aspects venins, non? C'est pas ça. Non, c'est pas pour tester la douleur. Non, c'est vraiment c'est pour dire ah le frelon machin il fait plus mal que le. C'est pour tester la douleur. C'est une tier list, littéralement ce qu'a dit. Et en fait. Et après, des fois, il fait avec des serpents, mais les serpents, il n'ose pas. Donc c'est à des fins médicales pour récupérer le venin. Bah, il est juste sadomaso. En fait. Oui, un peu ça. C'est comme les mecs qui s'injectent de la solution saline dans les couilles pour qu'elles gonflent. Ah ouais, c'est le même truc. Mais regardez, ça va vraiment pas bien. Oh là là. On en a déjà parlé. On s'échange les c'est pas sur YouTube, mais les recommandations, c'est à la fin de l'émission, les gars. On en avait déjà parlé dans le podcast. Oui, de l'insuline dans les couilles, je m'en souviens. C'est pas de l'insuline. Pas de l'insuline. Dommage que j'ai pas de couilles parce que j'aurais bien testé. Ouais, ça. Bah ouais, bah, j'imagine bien, j'imagine bien. Non, moi j'ai peur de tout ce qui peut piquer. Oui, c'est ça. Et faire mal avec ces piqûres de. Mais toi, t'as eu des complications. Tu t'es déjà fait piquer vénère. Ouais, et, ouais, j'ai failli. Non, mais j'étais allergique longtemps aux guêpes, moi. Ah, les guêpes, je me suis désensibilisé parce que sinon j'étais à 3 piqûres de crever, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, ça, parce que c'est comme une carte de fidélité, quoi. Mais ouais, genre, ça monte, piqûres, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et au bout d'un moment, après, c'est fini. Ouais, mon père, il avait dit ça, il avait dit faut plus que vous vous fassiez piquer vraiment. Sinon, là, ça va vraiment être compliqué, tu vois. Il avait répondu. Mon père est un rasta blanc. Dans l'histoire de cette émission. Dans le lore. Dans le lore de cette émission, c'est le bassiste de la Rue Quétano. Qui est pas celui qui bosse le plus dans la Rue Quétano, avons-le. Tiffen, t'as une peur d'un animal, un truc qui Oui, un peu les mêmes trucs classiques que tout le monde. Et j'aime pas l'idée quand, effectivement, quand tu sais pas qu'ils sont là, genre tu te regardes sur ton épaule, c'est une toute petite araignée, je l'ai pas vue, ouais. J'ai pas kiffé, c'est ça, une toute petite. Après j'ai les chiens, mais parce que je me suis fait attaquer par des ah merde par des gangs de singes, non c'est pas par des chiens errants, ah ouais, oui, dans ah, certains pays il y a plein de chiens errants en fait, et ça m'est arrivé 2 années de suite et ça m'a trop mat, donc même un petit chihuahua sur un trottoir je suis pas yam, enfin, ah ouais, mais genre ils de trottoir, mais genre ils t'ont coursé et tout, ou truc, mais oui ils viennent, ouais. Moi, ils t'ont encerclé. Oui, t'encercles, j'étais avec un pote, et moi vraiment je me suis dit, ah ok, je suis ce type de femme qui, s'il se passe un truc, un attentat et tout, je suis après avoir parti, ah, je pense que j'ai vraiment laissé mon pote comme une merde, et je suis partie. Tu lui as acheté un os, allez, vas-y, démerde-toi avec ça. Ah oui, complètement, ouais. Bah les couilles. Et concrètement, il faut pas faire ça. Non. Donc ils m'ont pourchassé. Ah avec oui, des gens qui étaient morts de rire. Bah, faut pas leur tourner le dos déjà. Faut pas leur tourner le dos, faut pas courir et tout. Et voilà. Donc maintenant, j'ai peur de tous les chiens. Et en plus, maintenant les chiens le sentent. Donc du coup il me hurle dessus, mais même les gens me disent mon chien il est adorable, il est trop cool, tu vas voir, il va t'adorer, et il arrive et direct il boit vénère, enfin il aboie vénère, et je, voilà. J'ai vraiment maintenant, bien fait de pas amener mon chien. J'ai failli le faire. Qui est en plus un pitbull, donc c'est l'histoire. Ouais, ça l'histoire. Adrien, toi t'as un truc? J'ai pas de phobie. Mais... Vrai, Adrien, c'était, nous avait raconté qu'il s'était aussi fait attaquer par un voilà. chien. J'en fais pas toute une histoire. Il a su grandir, Tiffen. Il a grandi. Moi, j'étais mordu par un pitbull le soir de Noël. Oh, ça va. Mordu ça par va. Le chanteur pitbull. Le soir pitbull. De Noël. Ouais. Le soir de Noël. D'accord. Le soir de Noël. Il y avait le chanteur pitbull qui est venu chez toi. T'as mordu au mollet. Ouais, ouais. Vénère. C'était son cadeau vénère. De Noël d'ailleurs. C'est très bizarre. Alors que j'étais à l'hôpital. Ouais. Non, j'ai pas de phobie sur les animaux, mais j'ai quand même pas trop confiance en les chats. Il y a un peu un truc, Ouais. Pas, il y a un truc un peu qui me met mal à l'aise, mais c'est leur griffe en fait. Ah, c'est marrant. Ils gèrent pas toujours. Tu sais, il y a le côté, ils montent sur tes genoux et puis ils glissent et du coup ils plantent tes griffes dans les cuisses. Enfin, t'as envie de leur dire, bon, vous voyez pas que je suis pas un tronc d'arbre, qu'il y a une différence en fait. Genre, va au sol, t'accroches pas à moi. Enfin, il y a un truc, je suis pas serein. Je pense qu'ils peuvent partir en couille. Non, mais cela dit, les chats ils te font des gros câlins et tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, ils te défoncent la gueule. Non, mais oui, je peux pas avoir trop confiance en un chat à 100%. Non, moi ça. Non, mais genre, pas 100%, mais genre, si tu dois le faire garder un truc, tu le fais le garder par un chat. Non, pas du tout. Non, il y a un truc. Tu lui dis nettoie mon appart une semaine. Non, tu le sais. Non, je te jure, je serais pas serein. Putain, bon, d'accord. On va faire un autre animal. Mais souvent, les gens qui aiment beaucoup les chiens, enfin, c'est un peu un truc de. Quand t'es. Ouais. Il y a toujours non, un team chat, team non, chien. Non, ça, non, pas du tout. Mais je suis arrête. Pas ce genre de personne. Les gens qui aiment bien non, mais les gens, team chien. Les gens qui adorent les chats. Moi, je suis team chat. Je trouve ça plutôt cool, les chiens. Bon, sauf Tiffen, parce qu'elle a eu une expérience traumatique. Yes. Mais j'aime bien les chiens quand même. Voilà, c'est ça. C'est juste que j'ai. Mais les gens qui adorent les chiens. Ils détestent les chats. Ouais. Non, mais je déteste pas les chats. Non, en plus. Arrête. Mais là, on le sait, on le sent. Non, alors déjà, je suis celui-là allergique. Allergique. Oui, voilà, déjà. Et pourtant, je caresse les chats et tout, alors que je suis allergique. Je les trouve mignons, en fait. C'est vous dire. Je les trouve donc, mignons, mais je pourrais pas leur faire confiance à 100%. Peut-être un pourcentage de confiance. 76. Ah, pas mal. Enfin, ah, franchement, énorme. C'est correct. C'est énorme. Non, mais, ouais. Oui, mais c'est énorme. Mais il y a quand même 24% non, mais... où. Non, qui tout tu fais confiance à plus de ça bien dans sûr, la vie bien sûr. On y connaît. Ouais. Simon, le max, c'est 24, hein, je crois. Ah, bah ouais, c'est pour ultra tout le monde. Bridé. Même ta mère. Ouais, après, le panel d'action que peut faire un chat, c'est quand même assez limité, quoi. Ah, détrompe-toi. Moi, j'ai vu des attaques de chats sur internet, incroyable. Ouais. Oui, bah voilà, oui, bah oui. Mais c'est les 24% qui font que j'ai pas confiance. Alors, peut-être ne le savez-vous pas, mais nous allons changer de carte d'identité. Ça va changer de format dans pas longtemps. Non. Elles vont maintenant être éditées dans un. Comment ? Non, je garde la même. Pas d'accord. Enfin, comme le permis de conduire, tu sais, ça a changé. Oui, bien temps. Sûr. Comme des petites cartes bleues. Là. Exactement, pour mettre dans les porte-cartes, dans un format plus petit, comme les permis de conduire. Mais ça pose problème chez certaines personnes. Oh alors Bah bonjour. Ouais. Vous avez les points sur la taille, j'ai l'impression. À votre avis, quel est le problème que ça pose? Un rapport avec le genre? Non, pas du tout. La taille? Alors, c'est par rapport à la taille de la carte. Elle est plus petite ou plus grande? Elle est plus petite. C'est pour les photos? Non. Non, c'est pas pour les photos. Pour les gens qui voient pas, ils n'arrivent pas à lire. C'est pour tous les numéros, ils n'arrivent pas à tout mettre dessus. Non, mais c'est les informations. Tiffaine et Jérémy, vous n'êtes pas si loin, parce que c'est un truc par rapport à la taille de la carte et effectivement. Les gens qui ont un long nom de famille? Non, mais vous y êtes presque. Un long prénom? Plusieurs prénoms? Non. Les tueurs en série qui ont. La taille de la photo? Non. Non, vous n'étiez pas loin. C'est pas les prénoms. L'adresse. Le nom exactement, des villes. Exactement. Les noms trop longs ne tiennent pas, ce qui veut dire que les administrés de certaines villes ne peuvent pas recevoir les cartes parce qu'ils ne peuvent pas les rentrer. Parce qu'en fait, le message, enfin, le formulaire à remplir et à envoyer à Macron, j'imagine, à l'État. Macron, Élysée, Paris.com. Ça arrive. @gmail.fr. @système. Et en fait, ce sont les administrés de Saint-Quentin, La Motte, La Croix, Aubailly. Bon, ce qui est en même temps un nom. Ouais, mais les gars, ouais. Faites un choix, positionnez-vous. Bien sûr. Et qui dit on n'a pas pu commander nos cartes d'identité parce que la ville ne tient pas, donc ils ont dû changer le nom de la ville, enfin le mais en non. Fait, non réduire non non ça prend le Mulhouse Douai. Ouais, c'est ça. Alors il y a une ville pas loin de Paris, j'ai découvert ça en jouant au jeu Saut de Canton, bon bref, qui s'appelle, le nom de la ville c'est I et ça s'écrit Y. Wow. C'est le nom de la ville. Ah bah voilà. ça rentre. Ah. Ça. Y. Juste, ouais. Juste Y. C'est juste Y. Ville, voilà. Bah là pour le coup, Saint-Quentin, La Motte, La Croix, Aubailly, ça s'appelle maintenant juste Saint-Quentin, La Motte. Voilà. Bah, c'est beaucoup. Mais c'est bien ça, déjà. Mais bon. C'est bizarre de changer de nom pour un truc. Mais c'est bizarre de pas prévoir qu'il y a des noms de villes qui sont longs en fait. Bah alors déjà on dit, mais pourquoi vous mettez pas Saint ST ou alors mettre le sur avec un slash. Exactement. Ils ont pas prévu ça sur le truc. Mais sinon ils écrivent en tout petit. C'est un faux problème. Tu changes la police. Mais oui. Le magazine Time Out a élu le quartier le plus sympa du monde. À votre avis, lequel est-ce? Alors pas, je vous demande pas exactement précisément le nom c'est du quartier, mais France. La ville. Non, dans le monde. Alors, France. France. On va trouver le pays déjà. C'est pas au Japon. C'est pas au Japon. Angleterre. C'est pas en Angleterre. States. C'est pas en Amérique. States. Non, pas les States. En Asie. Non plus. En Inde. Non. En Australie. C'est en Europe alors. C'est en Europe. Okay. Mais non. Italie. Incroyable. Incroyable. Italie. Bonjour. Espagne. C'est un pays latin. C'est pas en Espagne. C'est pas en Italie. Pays scandinave. Je crois. Stockholm, enfin Suède. Suède. On est dans Norvège. Danemark. C'est au Danemark. Copenhague. C'est Copenhague. Bah, je te l'accorde, parce que tu trouveras pas le nom du quartier. Ah bon, que tu connaisses très bien. Grutefru. C'est le quartier de Norebro, tout simplement. Mais oui. Mais arrête. Si. J'ai déjà entendu parler. Vas-y. Non, ça sert à rien. Partons pas là-dedans. Des super pistes cyclables. Voilà. Il y a des pistes cyclables. Tous le dire. Les mecs au Danemark qui font du vélo, c'est tout le monde peut le dire. Allez, stop. On passe à autre chose. C'est ça la blague, Simon, en fait. Stop. Vous envoyez pas. Les man. T'es en train de faire un discours ou quoi? On y trouve des boutiques de design, des cafés bohèmes et des restaurants réputés. Ouais, bah voilà. Comme dans tous les quartiers en fait, dans toutes les villes. Mais calme-toi, t'es fou, quoi. C'est toi, calme-toi. Je vais dire un truc. Tu crois que ça allait être Dijon, ta ville de merde? Alors, le ça, jour pardon. Où tu viens à Dijon, alors, mec, ça, tu vas te faire recevoir par un gang de singes. La moutarde va lui monter au cœur. C'est des petites cuillères de moutarde comme ça. Et des escargots. Enfin. Cela dit, Dijon, excuse-moi, à un moment, il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, t'aurais fermé ta gueule. Hein. Je te rappelle qu'il y avait des calaches et des voitures qui faisaient des saltos. Je viens de la rue. Non, c'était même pas il y a 2 ans, c'était vraiment la dernière. Ouais, c'est ça, il n'y a pas si longtemps. Un an, 2 ans, ça va. Non. T'es obligé de l'agresser. Je défends mon pote, mais c'est bon. Il est très sur les potes. Il est remonté là, Simon. Il est remonté, on sait pas pourquoi. C'est un coucou le mec. Donc, Norebro est le quartier le plus peuplé de la ville, donc de Copenhague, la plus cosmopolite et la plus multiculturelle. Avec ses nombreux ateliers et boutiques de vêtements, ses cafés bohèmes, ses restaurants. Simon déteste le Danemark, vous m'entendez? Il déteste la compétition en fait. Il dit pourquoi c'est celui-là plus qu'un autre. Parce que c'est tous les quartiers du monde que tu décris comme ça. C'est vrai, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Il y a des cafés, des restaurants. C'est chaleureux, les mecs font du vélo. Bah ouais, c'est genre partout. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que les restaurants sont gratuits? C'est ça qui fait que c'est génial? Non, écoute, je sais pas. Time out. Ça, c'était à Dijon, par contre, en revanche, la boutique gratuite là. Les critères. Les critères, bah non, c'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. C'est franchement, il y a un petit buzz, mais on l'entendra pas. Ok, pardon. C'est, non, t'as regardé. Avec nous, ça fait vite le buzz. Hein. Allez. Bah si, en fait. Magnifique. Bah si, excuse-moi. Non, mais voilà. Donc j'ai pas trop d'autres informations. Adrien se barre littéralement. Ouais, il est parti. Je crois qu'il est. En fait, l'ancien quartier ouvrier est devenu branché. L'endroit n'a pas perdu son âme, promet l'office du tourisme de visite Danemark, ainsi sur les contrastes que l'on trouve ici entre certains établissements particulièrement branchés et d'autres qui le sont un peu moins. C'est peut-être ce mélange, en fait, tout simplement, tu vois, qui fait que ça devient le plus beau quartier du monde. Le plus beau ou le meilleur plus sympa, à vivre, le plus sympa, ouais, pardon, ça. Le plus t'énerve pas. Le plus ouais, parce que si on dit les trucs au début, il faut les dire jusqu'à la fin, tu vois. Mais il y a pas de voiture aussi par exemple. Allez, ah, oui, pas mal, ouais, si, pas mal. Les quartiers peuplés, non, pas du tout. Non, ça je m'excuse, ouais, ça effectivement ça. Vous auriez élu qui vous, parce que je sais que vous avez un peu voyagé. Est-ce que Jérémy, dans tes vacances, il y a eu un moment où tu as vu un quartier vraiment sympa, vraiment stylé? Si peut-être quelqu'un d'autre qui là peut répondre. Le cœur des hommes. Ça, c'est un beau quartier. C'est vrai, où on a envie d'y rester. En exactement. Tout cas. Non, je sais pas. Ça peut être le plus sympa pour un Lisbonne. Guépard. Ouais, ouais. Lisbonne, c'est cool. Tiffen, t'es allé à Lisbonne? Ouais, je trouve ça cool, Lisbonne. Et t'as kiffé? Ouais, je me suis dit, tiens. Sympa. Lisbonne, un bon quartier. Il y a des restos, ouais. Des machins. C'est cosmopolite. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est difficile. Ils font du vélo. C'est difficile de trouver le truc qui sort. On va changer de sujet là. Il y a Simon qui parle de lui. Simon est en train. Là, il y a des articles qui sont en train d'être écrits. Les gens qui écoutent l'épisode et qui font. Mais Simon a pété un. Simon s'est pété un câble. En direct à la radio. Non, mais c'est vrai qu'en fait, quand t'aimes bien un quartier, tu dis oui, voilà, il y a des restos cool, tu te balades, c'est difficile de trouver autre chose, tu vois. Il y a un trampoline géant, bah non, bien sûr que non. Lisbonne, je suis jamais allé. Mais moi, j'ai fait Amsterdam par exemple, je trouvais ça vachement bien, par exemple. Bien, c'est vraiment cool. C'est vrai. Là, et c'est un peu cyclable, il y a des restaurants. Y a des restos, ouais. Jérémy, non, t'as pas trouvé? Tu détestes le monde? New York, c'était chambé. Ouais, New York, il y a des coins vraiment cool. Mais ça ressemble beaucoup à Paris. C'est assez étouffant, je trouve, quand même, New York. Oh, comment, pardon? Oui, bah oui. Adrien, une idée? Non, pas vraiment. Non. Ça va peut-être me revenir, mais. Bah, t'es un enfant de Saint-Germain, toi. C'est difficile après. Quand t'es né à Saint-Germain-en-Laye, le reste du monde paraît fade. Bien sûr. La ville des Lumières. Berceau de Louis XIV. Juste ça. Juste ça, non, mais voilà. C'est bon. Pas si bien, en vrai. Une aventure digne d'un Disney a eu lieu près du volcan de la Palma, aux Canaries. Une aventure concernant des chiens. Mais un volcan près de la Palma, c'est Palma Show. Oh la vache, si. Si, c'est vrai que. Si, en vrai. Ah, c'est mitigé, hein, c'est vraiment. C'est un peu comme ta confiance avec les chats. Ouais. C'est ça. Ouais. Exactement. Non, déjà, si des applaudissements à une blague. À une blague. À une blague. Une blague. Ah oui. Ça, c'est drôle. Une vanne, une blague. Une blague. Donc non, c'est vraiment, il s'est passé quelque chose. Alors par rapport au volcan, l'info du volcan est assez importante. Ça finit très bien, hein. C'est une histoire qui finit très bien, mais c'est une vraie aventure avec des chiens. Ah, si. C'est ça. C'est c'est un Disney, c'est ça? Non, mais ce qui est arrivé à ces chiens, oui. C'est complètement fou. On dirait vraiment ce qui est arrivé. Ils sont tombés dans le cratère. Sur une ce serait un Disney très triste. Mais ils sont tombés sur le sol à paroi où qui flotte. Ah oui. Et ils ont surfé sur le magma l'aventure. Les chiens ont surfé sur de la lave. Alors quel monde vivez-vous? La fin de Star Wars 3. Digne d'un Pixar. Et en fait, les chiens, c'est leurs émotions. Il y a un chien qui est tombé dans la lave, il est devenu super héros. Non, ouais. Un labrador. Oh là là. J'applaudis pas, j'applaudis pas. J'applaudis pas, je suis seul à pas applaudir. Excellent. Non, ils ont d'abord été piégés. Par la lave. Okay. Encerclés, quoi. Encerclés, parce qu'en fait, c'est des chiens d'un chenil. Et là. Et le chenil, malheureusement, a été complètement entouré par de la lave. Oh. Donc, ça, l'histoire. Ils se sont organisés. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tous les chiens pour sauver leur maître. Alors non, les maîtres se sont barrés, hein, ça je vous rassure. Ah, les... Ah mais c'est horrible. C'est pas très Disney. Les gérants. Un aigle est passé et les a tous sauvés avec ses griffes. Non, mais c'est tu te rapproches. C'est un autre animal qui les a sauvés. Non, pas un animal qui les a sauvés. Ah, non, putain, il a fait chialer. J'aurais pu pleurer là. Ils ont fait un radeau. Non. Des enfants. Pas des enfants. Des gens. Un truc. Un hélico, un drone. Un hélico. L'esprit de la montagne. Ça c'est un Disney, pardon. Non, c'est un Miyazaki. Un gang de singes, je l'ai pas. Des sympas cette fois. Ils leur ont volé leur collier et tout, mais sinon ils les ont sauvés quoi. Ils les ont dépouillés. Non. Alors ils ont été sauvés par des gens au in fine, mais surtout en gros les chiens ont été maintenus en vie parce que personne ne pouvait les nourrir. Ils ont été bloqués pendant des jours et des jours par des drones. Des drones. Parce qu'en fait ils pouvaient même pas mettre des hélicos. Je l'ai dit. Ah, à cause de la fumée et tout. À cause de la fumée. C'est ils leur ramenaient de la bouffe avec des drones. Avec des drones pour aider les chiens et une fois que la lave c'est comment et dire. Alors, et c'est là où c'est vraiment il y a un twist, c'est Shyamalan en fait cette histoire puisque en gros attends, chien malin. Oh là là. Ouais. Oh, c'est bah sans si. Fin. On a arrêté d'applaudir, c'est dommage. Sinon, ou tu dégages en fait. Là, y a personne qui a applaudi. Hein. Non parce que là t'es stupéfait là. Tu es estomaqué en fait, j'ai plus le contrôle de mes membres. Non, c'est-à-dire que donc ils les ont nourris avec des drones, voilà, un jour, deux jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, non, je sais pas combien de jours, ouais, je me suis arrêté. Ouais. Il y a eu 34 jours, donc ça peut prendre. Qui pilotait les drones ? Des un geeks chien. Avec des... Non, avec des lunettes. Le cousin chien. Ouais, c'était le hamster. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ça serait un putain de Disney pour ouais, voilà. Non, mais au final, un matin, ils se sont réveillés et les chiens n'étaient plus là. Ils ont été retrouvés quelques kilomètres plus loin. C'est des gens qui ont sauvé des anonymes qui ont décidé de braver les dangers de la lave pour aller sauver les chiens. Ça, c'est tout simplement secrété par une équipe de bienfaiteurs anonymes. Donc, en fait, les pensées disparues, mais les chiens bloqués par la lave à La Palma ont en fait été évacués par une équipe de bienfaiteurs qui ont organisé leur action dans le plus grand des silences. Mais comment ils ont fait pour braver la lave ? On ne sait pas en fait. En gros, c'est-à-dire qu'un matin, ils ont fait bon, venez avec les drones, on arrête de donner de la bouffe, on va chercher les chiens. Et en gros, quand ils sont allés, ils font putain, il n'y a plus les chiens, merde, bah, ils ont dû mourir, quelle horreur, machin. Non, des gens les avaient sauvés, les chiens ont été retrouvés. Mais ils n'ont pas dit comment, les mecs ? Bah non, écoute, là, quand je vois le truc. C'est là où c'est mystérieux. Ouais. C'est faux. Ils ont pris que des sosies des chiens. Ouais, c'est ça. Ils ont racheté des chiens. Non, c'est eux, bien sûr. Mais en tout cas, l'équipe a vraiment dû traverser la lave. Ils auraient marché plus de 500 mètres dans la lave sèche pour atteindre l'endroit où étaient les chiens. Non, mais genre à chercher où est-ce qu'ils peuvent marcher et tout. Ah ouais, non, c'est un délire. Ça, c'est bah, c'est Squid Game. Hein. Et c'est vrai. C'est vraiment ça. Les traces de pas ont été repérées par les drones, donc c'est une vraie histoire, quoi. C'est pas juste des mythos. Okay. Ils ont vu que les gens avaient fait ça. Un des plus grands concurrents de Boston Dynamics a présenté son nouveau modèle de robot. Alors Boston Dynamics, est-ce que tu peux dire ce que c'est, Adrien? Oui, c'est une entreprise de robotique. C'est ceux qui font les fameux robots chiens qui marchent tout seuls et tout ça. Et ouais, aussi les robots qui font des saltos et du ah ouais, okay. Du breakdance. Alors là, ouais. Il s'agit pas de Boston. Un problème, Simon, en fait. Non, les regards. C'est juste, on connaît tous des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Étaler une espèce de science systématiquement comme ça, je trouve ça super déplacé. En fait. Ton mec. Spectacle, c'est une BD, c'est même pas toi qui l'as écrit. C'est pas une BD, c'est un roman. Un roman. Ouais, ça, pour le coup, tu sais pas. C'est un auteur de BD, le mec. Ouais. Il est calé, putain. Je l'ai lu. Enfin, je l'ai écouté. Non, là, c'est Ghost Robotics. Donc, les concurrents de Boston Dynamics. Et donc, ils ont lancé un truc. À votre avis, c'est quoi ? Des oiseaux. Genre pour faire concurrence. Des robots. Ouais. Parce que robots oiseaux, je voulais dire. Oui, non. Boston Dynamics, parce qu'ils ont quelque chose sur lequel ils n'ont jamais transigé. Est-ce que tu sais ce que c'est déjà, Adrien, toi qui s'y connais ? Ils veulent pas que ça ressemble à des humains ? Ah non, c'est pas ça. Non, ils veulent pas développer l'intelligence trop. Ah, mais non. Non, ça des ça armes, ils veulent pas mettre des armes. C'est pas le chien canon ? Ah oui. Très bonne réponse. Il y a un chien canon Metal Gear, c'est très flippant. Très bon. Non, très bonne réponse de Jérémy Detlo, baptisé Special Purpose Unnamed Rifle. La Sword International, déjà le titre est un méchant d'un film de SF. Sword oui. International. Non mais même le design est méchant. Avec Ghost Robotics, pareil, une entreprise qui sonne méchant. C'est Robocop. Bah, ont lancé un chien robot équipé d'un fusil de précision de 6,5 mm lors de la convention annuelle de l'armée américaine. Là, ça devient. Imagine quand ils vont commencer. Le truc, c'est vraiment terrifiant, c'est vraiment. Okay, donc j'avais déjà peur des chiens. Ça. ça a pas du tout m'arrangé cette histoire. Imagine-moi les chiens errants qui vont être abandonnés par les gens. C'est pas pour faire, c'est pas pour faire la blague, mais c'est littéralement un épisode de Black Mirror par contre. Ouais. Il y a un chien comme ça qui course des gens et tout. Bah écoute, voilà, c'est un chien. Là, il peut atteindre sa cible à une distance de 1200 mètres, donc sympa. Attends, quoi? Ouais, faut vraiment qu'il y ait personne. En plus, je suis mien, quoi. Donc, j'ai même pas le droit à distance. Dans le désert, en fait. Sur la banquise. C'est ça, ouais. Là où il y a dans la lave. Rien. Dans la lave. Dans la lave. C'est lui qui a sauvé le lien. Peut-être, c'est possible. Donc, voilà, et ça fait évidemment. C'est assez terrifiant. Ça fait froid dans le dos, c'est horrible. Bien belle histoire. Mais c'est Robocop pour le coup, c'est exactement. Oui, là c'est vraiment ça. C'est Robocop, c'est Terminator, c'est tous ces trucs-là. Ouais, mais là, c'est les couloirs du temps. C'est les couloirs du temps, c'est l'enquête corse. C'est l'enquête corse pour moi, vous m'entendez? Dans le dernier Floodcast, d'ailleurs, on parlait d'intelligence artificielle. Genre, si vous pouviez faire confiance, est-ce que vous pourriez, si c'était possible, alors pas un chien mitraillette, mais avoir recours à un robot? Est-ce que c'est un truc qui pourrait. Moi, c'est mon rêve. Ah ouais? Ah ouais. Mais dans quelles circonstances? À la maison. Mais pour faire quoi? Ça va d'aller dans les aigus là? Non, mais alors, pour déjà, on a déjà des robots. Bien sûr, non, mais là, moi je parle des robots qui ont une forme humanoïde ou animale, un truc vraiment qui ressemble à. Bah, il porte tes courses, tu lui poses des questions, il te répond. Moi, s'il me fait très bien à manger, c'est totalement quelque chose que je peux envisager. D'accord, très bien. À fond. Mais déjà, un robot aspirateur, en vrai, il y a déjà un côté genre un copain qui me rend service, quoi, et qui est un robot. D'accord. Oui, je suis seul, hein. Je me sens seul, hein. Jérémy, toi, robot, tu pourrais les laisser tenter. Ouais, en mode iRobot. Ouais. Dans iRobot, ils finissent par se rebeller et tuer les humains, non? Ouais, un peu, ouais. Mais d'ailleurs, j'ai vu un Kickstarter d'une entreprise qui fait des. Comme les robots un peu Boston Dynamics, mais en tout petit. Ouais. Et j'ai un peu hésité à l'acheter, c'était un peu cher, donc j'ai dit non. Ah oui, d'accord. Okay. Mais j'aimerais trop avoir un robot chez avoir moi. Avoir un robot. Mais moi, je trouve le truc, c'est. Je suis un geek après, attention. Bah, t'es passionné de tech, je crois. toi Tiffany, tu disais oui donc pour faire à manger. Simon toi tu ne sentais plus dubitatif. Moi un robot pour m'aider à parler peut-être. Non mais ça dépend à la fois pour t'aider à faire des trucs chiants genre conduire ou tout ça, ouais. Pourquoi pas, ben voilà. Mais ça fait un peu peur, je trouve, je sais pas. Oui, c'est ça. Pourquoi? Mais est-ce que t'as été biberonné au truc de SF aussi? Il y a peut-être un truc où toi t'as tu vois Seven, tout de suite. C'est un robot, le mec. Ou à la fin c'est un robot. À la fin t'apprends que c'est un robot. Désolé du spoil. Non, je sais pas. Non, mais si pour assister aux tâches du quotidien qui te saoulent, ouais, pourquoi pas. Oui, c'est pas. Ça. Et après, je trouve que ce qui est flippant, c'est le côté humanoïde, en revanche. Enfin, c'est la forme, moi, je trouve. Pas, ouais, j'aimerais pas avoir un robot qui ressemble à quelque chose, mais animal avec, ou humain, avec de la qui peau ressemble et tout, à. Ouais, voilà. Oui, ah, oui. Ça, c'est pas mon délire. S'il a les mêmes fonctions, par exemple, d'un iPhone qui te prévient, va te coucher, et là, c'est un robot qui te dit, va te coucher. Et qui te gifle comme ça. Tu te fais une clé de bras comme ça. Ouais, un peu flippant, je suis d'accord. Non, mais un robot qui te martyrise un peu pour faire des trucs, qui te botte le cul, pourquoi pas, quoi. Bon, allez, Adrien. Pourquoi pas, Adrien. Ça pourrait me servir. Tu te mettrais un peu de produits de couilles, par exemple. Non, mais... Le robot, il prend ton iPhone énorme. Et il fait je te le rends quand t'as bossé, quoi. Une daronne, quoi, par exemple. T'essayes de. Oui, ben j'ai plus de daronne. Strike. Donc un robot, ouais. Donc j'ai dit à tout le monde que vous étiez tous les trois invités et donc les auditeurs ont des questions à vous poser. Jérémy, ouais. Tu écris et joues dans des courts-métrages, ouais. Qui peuvent atteindre parfois jusqu'à la demi-heure. Est-ce que tu travailles ou est-ce que tu as des envies de passer à du cinéma ou de la série? Totalement. Bien sûr, ouais. Tu es dessus ou tu ouais, dessus. D'accord, tu écris. Ouais, en ce moment genre j'y pense, on y pense très sérieusement. Parce que t'as une équipe avec toi, tu ouais, une bande de copains qui sont des singes. Et un hamster. Et un hamster. Avec qui on bosse à Montréal, ça fait. Que connaît Tiffen, ça fait 9 ans qu'on bosse. Oui, c'est ça, toi, t'es très ouais. Fidèle, disons, ouais. Toi, avec les gens ouais. Avec qui tu bosses. Une petite équipe qu'on a montée au fil du temps. Et ouais, là, on s'est. En fait, ouais, je sais pas, un alignement des planètes où tous les gens que je croisais me faisaient Toi, c'est quand? Et nous aussi on commence à se poser la question. Et là dessus, du coup on est dessus. Trop bien. On écrit. C'est vrai que toi aussi Simon t'as un peu ce truc où t'as des fidèles aussi. T'as des gens que tu rappelles souvent dans le travail. J'aime bien travailler avec mais parce que tu gagnes du temps et que tu grandis avec eux et mais en revanche j'ai besoin de mélanger les équipes installées avec des gens que je connais pas. Sinon, oui, c'est ça. Sinon j'ai l'impression d'être dans un truc qui pue renfermé, c'est horrible pour moi. D'être en vase clos un peu. Ouais, c'est ça. Je trouve ça pas sain du tout. Et c'est bien de se confronter à d'autres gens. Et puis surtout aussi, t'évolues aussi. T'évolues, tu deviens autre, ou tu deviens plus fort, ou tu veux faire autre chose, ou machin. Et voilà, tu t'adaptes. Je pense qu'une équipe se construit comme ça au fur et à mesure. Et même, tu peux avoir aussi des gens que tu vas faire venir sur un projet parce que ça leur correspond plus qu'un autre. Et voilà, notamment un chef-op, ou un, tu vois, ou des gens où. Voilà, ça dépend du projet. Mais le mélange des deux est super bien, je trouve. Parce que bon, on va pas trop en parler parce que t'es encore en montage, mais il y a un hasard un peu heureux, c'est que vous tous autour de la table, vous jouez dans ta prochaine série. Oui. Dans pas du tout un hasard, par contre. Hein? C'est pas du tout un hasard. Bah, c'était. Non, mais je veux dire, c'est pas une émission pour parler de ça, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Chie-moi à la gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais m'allonger par terre. Non, mais voilà, c'est la série. Alors, est-ce qu'on peut en dire quelques mots bien sans sûr, trop. Ça s'appelle Visitors, c'est une série sur une invasion extraterrestre. C'est ça. Et c'est avec plein de gens. Ici, c'est des gens incroyables, et puis après, d'autres gens aussi formidables. Et je suis en montage, et ça va sortir, je pense, à la fin du printemps prochain. D'accord. Sur où ça? En France, ça sera disponible sur la plateforme MyCanal. D'accord, via l'antenne de Warner. Ah, voilà. Je savais pas ça. Trop bien. D'accord, c'est bien. Et puis après, mais ça, je le dirai plus tard. Voilà, ça sera pas disponible qu'en France, a priori, je pense. Trop bien, voilà. Super, super nouvelle. BG. À Copenhague, notamment. D'accord, hyper cosmopolite, bonne ambiance. Il y a des cafés là-bas. Il y a des cafés là-bas. Des pros dans les cafés. Avec des canapés. Trop bien. Tiffen, on t'a vu dans pas mal de films et de séries de genre, horreur, fantastique. Est-ce un style de fiction que tu apprécies particulièrement, ou en fait c'est d'avoir un rôle que tu choisis et le hasard a fait que tu t'es retrouvé dans des films comme ça? C'est les deux, mon capitaine, parce que j'adore le genre, déjà en tant que spectatrice j'adore ça, et j'adore le faire aussi, je trouve ça très fun, et j'ai eu de la chance qu'on me propose d'en faire, donc, et que les projets me... Oui, soient cool. Ouais, il y a beaucoup trop de... C'est moi qui suis tellement de ma gueule. Voilà. Parce qu'il fait du bruit avec son coca. C'est encore Adrien. Il y a un petit programme court qui va être écrit à la fin de cet épisode. Simé Adrien, c'est ça. Oui, donc c'est ça, ce que tu as joué dans Marc, ce que je disais en début d'émission, dans Marianne. T'en as d'autres de prévues, des idées, j'ai envie. Bah, Visiteurs, c'est quand même du genre. Visiteurs, peut-être, peut-être prononcer le nom de la série. Un peu gêné, je n'osais pas. Oui, Visiteurs, oui. Dernièrement, oui. C'est ça. Clairement. Très bien. Jérémy, quel regard portes-tu maintenant sur le Whoop? Maintenant, ça s'est arrêté le Whoop, je pense qu'on peut le dire. Vous êtes chacun dans vos trucs. Sur cette période maintenant, est-ce que tu regardes ça avec nostalgie? Comment est-ce que tu trouves que vous avez tous grandi? Tout ça. Moi, par rapport au Whoop, beaucoup de regrets. Que ça n'existe plus? Non, que c'est. Ça existe. j'ai beaucoup de haine. Non, pour tous ces gens. Non, pour moi, c'est. Ouais, c'est une de mes plus belles aventures. Ouais. Ouais, c'est là où j'ai eu envie d'aller derrière la caméra, d'écrire, de m'intéresser à la prod, de voir plus loin. Enfin, j'ai beaucoup, en jouant devant la caméra, j'ai beaucoup appris, quoi. Oui, parce qu'à la base, toi, tu venais de la scène. De la scène, ouais. D'ailleurs, tu continues, ouais. On peut le dire. Alors, c'est une autre question, d'ailleurs. Alors, c'est marrant, parce que j'allais te poser la question, parce que c'est une question qui est arrivée, qui disait je vois des stories de Jérémy qui est sur des scènes ouvertes. Ouais. D'ailleurs, on peut le dire, quand on est sur Paris, on peut te voir dans des scènes ouvertes. Tu joues où, principalement? Beaucoup en ce moment, au Paname Art Café. D'accord. Où on a commencé justement avec le Whoop. Ok. Goku Comedy Club. D'accord. Et pour l'instant, c'est. D'accord. C'est... Et donc, est-ce que tu prépares ton spectacle? Oui. C'est ça. Un beau spectacle. Oh, nice. C'est le titre du spectacle. Ouais. Un beau spectacle. Un beau spectacle. Je vous dis tout. Et tu as une idée de date de sortie ou pas trop? Non, tu sais pas. Je vise 2022. D'accord. Après, quand c'est vague. C'est vague. Une deadline plus précise. Merde. Simon. Avant Visiteurs, en tout cas. Quoi qu'il arrive. Toujours en parlant de théâtre. Donc Simon, tu es en train de jouer Le Discours. Ah oui. La BD de Fabrice Caron. Tiré du roman. La BD du gars. L'histoire est mince qu'on en avait parlé. C'est un peu lié aussi à ce vlog. Puisqu'on en avait parlé quand tu étais venu, on avait parlé de Fab Caro. On avait échangé au sujet de Fab Caro. Je crois que c'était avant le discours. Je crois qu'on avait parlé de Zai. Oui. Et depuis, effectivement, Fab Caro a fait Zai. Zai. Zai 4, je crois. Zai. Zai. Zai. Zai. Beaucoup de Zai. Zai. Et entre temps, il a écrit effectivement un roman, Le Discours. Oui. Et un autre Broadway, ouais. Effectivement, qui est vachement bien aussi d'ailleurs, si vous voulez vous le procurer. Et donc tu l'as adapté au théâtre. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, c'est un seul en scène que tu fais, qui est un exercice où t'as fait de l'impro beaucoup sur scène, d'ailleurs avec Hérocorp, oui, entre autres. Et puis après, quand j'étais plus petit, j'ai vraiment commencé par jouer dans dans du répertoire complètement classique. D'accord. Mais c'est vrai que le seul en scène n'était pas un projet, parce que j'aime vraiment les équipes et travailler avec des gens, et c'est hyper important pour moi, ça. Mais ce roman m'a parlé beaucoup, très fort, sur ce que ça raconte, sur les tourments et sur la place que ça peut prendre dans la vie, et à quel point ça peut être quelque chose qui vous renverse, et à la fois comment est-ce qu'on se sort de ça aussi. Voilà, ça mais c'est vrai que c'est presque un nouveau métier pour moi d'assumer cette prise de parole-là sur un sujet comme ça, qui au final tous les jours je découvre à quel point c'est intime, à quel point même ça me fait me dire dans ma vie que l'anxiété par exemple, c'est pas juste un truc qui est chiant pour les gens autour et tout ça, c'est un trait de caractère, ça existe, voilà, et on vit avec, et on négocie avec, et même parfois on dit ferme ta gueule aussi à l'anxiété pour avancer. Mais donc ça raconte tout ça profondément, et c'est vrai que si c'était pas ce sujet là et si et parce qu'en plus c'est pas, alors là quand je raconte comme ça c'est le fond le fond profond, mais en surface c'est drôle parce que c'est un type qui chavire en fait, donc plus il chavire plus on se marre du monde qui se fait de tout. On lui demande de faire un discours et pour lui c'est tout ce qui est au monde. Ouais. Voilà, la fête, les mariages, tout ça c'est un cauchemar. Voilà. Et donc il raconte des trucs de sa vie, il raconte pourquoi est-ce qu'il a pas envie de le faire, et c'est marrant. Mais à travers ça et cette heure 20 où on rit beaucoup, ça raconte aussi comment est-ce que la vie peut d'un coup être teintée de noir, ouais, absolu. Et en même temps, moi j'ai eu la chance de te voir, je t'ai vu mardi. Allez. Je t'ai vu mardi. Et mercredi, j'ai oublié. Tout le monde m'a vu ici, hein, sauf Adrien Maniel. Bah ouais, oh, mais tu m'as pas invité donc. Bah, je t'invite demain. Simon m'a pas invité, j'ai pris ma place. Et tu viendras, je suis venu soutenir. Toi, t'es blindé sur mes genoux. J'ai pris ma place et je suis venu soutenir Adrien. En plus, il s'appelle Adrien, mon personnage, et j'avoue que souvent je pense à Adrien Maniel. Et vraiment, tu lis le bouquin et ça n'a rien à voir avec Maniel. Un mec de 40 ans, anxieux, c'est vraiment. Qui s'appelle Adrien, j'ai dit bon. Non, mais c'est vrai que c'est quand même très drôle. Et il y a une noirceur sur ce que vise Gab, mais du coup les moments lumineux, et c'est là où je trouve que t'as vachement réussi sur scène, sont d'autant plus lumineux, mais quoi. C'est plein d'espoir en fait, c'est ça le truc. C'est que c'est ça chavire, mais si c'est pour raconter un mec qui chavire et qui s'effondre, ça a pas d'intérêt pour moi. C'est de montrer comment est-ce qu'on peut à ce point là chavirer, et comment est-ce qu'on peut peut-être que finalement cette anxiété et ce poids qu'on peut avoir nous donne des capacités à rebondir peut-être un peu plus vite, un peu plus franchement, un peu plus moins. On a moins besoin de choses pour se dire ah, la lumière revient, je repars. Je sais pas où je repars, mais je repars. Voilà. Et c'est ça que ça raconte, et ça me traverse de part en part de raconter ça. Et il y a des soirs où c'est plus facile que d'autres, il y a des soirs où voilà. Mais je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire-là seul sur scène. Moi j'ai été très très impressionné à quel point surtout tu collais au texte, et quand même c'est très naturel et très machin, mais j'ai été moi qui en plus connais ton travail d'impro et tout ça, même sur nos tournages quand j'ai pu travailler avec toi, c'est vrai que j'ai été je ne savais pas à quel point tu pouvais insuffler un texte en étant vraiment au mot près, à la virgule, dans un respect parce que la langue de Fab Caro elle est c'est un cadeau, et puis surtout c'est un truc de le jouer. Je pense que je vais jouer entre là et la tournée peut-être 300 fois ce truc, et au final tous les soirs je découvre des tiroirs que je connaissais pas. Il y a des choses où voilà, c'est un truc de timing, c'est un truc d'intonation, et je colle au texte parce que j'ai un respect vraiment incroyable pour ce texte. Mais c'est vrai qu'on peut jouer avec, il y a plein de choses planquées à l'intérieur. Et effectivement j'ai bougé quelques trucs pour en raconter une histoire d'une heure vingt, j'ai coupé beaucoup aussi, donc au final j'ai choisi que ce qui me ressemble le plus, je pense. Mais c'est une langue dure à apprendre, mais une fois qu'on l'a, elle est assez magnifique. Ouais. Non, et puis en plus on retrouve quand même tout ce que c'est ça que j'ai trouvé, qui moi m'a impressionné, c'était ce truc de mettre des trucs à toi dans le jeu. T'as ton rire de débile que j'adore par exemple, qui est vraiment bien, et pour le coup moi j'ai quand même lu le bouquin, vu le film et donc maintenant vu la pièce, et c'est encore autre chose en fait. Donc même si vous avez lu le livre ou vu le film, franchement c'est, et alors c'est pas parce que t'es là ou machin, mais au théâtre en plus, c'est mille fois plus puissant parce que t'as vraiment un gars qui se livre sur scène, quoi. Ouais. Enfin, qui ce texte-là. On est dans la tête d'un gars. C'est ça. Ouais. Et dans le public, avec les gens autour, ça a vraiment une autre dimension. Donc voilà. Donc ça se joue au Théâtre Michel. Alors c'est bien. Tu dis que 300 dates peut-être avec la tournée. C'était une question qui revenait beaucoup des gens de province qui demandaient quand est-ce que si tu allais jouer le spectacle. Je vais faire quelques dates de tournée là en début 22. D'accord. Après, je crois que tout l'automne 22, je vais tourner. Ok. A priori, c'est comme ça qu'on se. Super. Ça se profile. Très bien. Et puis au Théâtre Michel pour l'instant jusqu'au 8 janvier. Et si ça se passe bien, a priori, on peut-être continuer un peu plus derrière. Génial. Et voilà. Mais c'est vrai que ça, le théâtre souffre beaucoup à cette rentrée-là. Ouais. Et nous, on a la chance de. Je suis dans un théâtre qui s'arrache pour faire bien les choses. Et donc, on fonctionne bien, que ce soit moi ou les autres spectacles. Et c'est super. Donc, tant que ça marche, on le jouera parce que c'est un bonheur. Non, c'est vachement bien. Tiffen. Est-ce que tu peux nous parler, on parle que de trucs merveilleux, est-ce que tu peux nous parler de l'aventure du court-métrage Les Bigorneaux? Et c'est vrai que c'est un super court-métrage, je le dis, qui est dispo sur Apple. C'est un truc que je savais pas du tout, tu peux mater des courts-métrages, tu peux louer en tout cas ou acheter des courts-métrages sur Apple. Parce que moment, je voulais montrer Les Bigorneaux à ma meuf qui l'avait pas vu, et je me dis mais merde, où est-ce que tu montres un court-métrage? C'est sur Apple, voilà, je vous le dis si vous voulez regarder. C'est à 1,10€ et tout, donc vraiment vous pouvez regarder, ça dure 25 minutes. Donc est-ce que tu peux parler de l'aventure du court-métrage Les Bigorneaux qui est réalisé par Alice Vial et qui a eu le César quand même du meilleur court-métrage. On est autour de la table, quelqu'un qui est monté sur scène recevoir un oui, César. J'ai porté le bousin. T'as porté le César. Exactement, ouais. C'est très lourd et ça pue le métal. Mais non, qu'est-ce que tu veux ça? Oui, c'est marrant parce que moi c'était mon premier court-métrage, je crois. Je faisais déjà de la série et des trucs comme ça, mais et Alice, avec qui j'étais en cours il y a très longtemps, pas dans la même promo, mais dans la même école de théâtre qui s'appelait Les Enfants Terribles, 10 ans auparavant, je l'avais pas revue depuis, et tout d'un coup, voilà, je sais pas, elle m'a appelée pour faire ce cours que je trouvais hyper joli, et je me disais oh, je connais pas trop ce format, allons-y quoi. Et donc on a fait ça en toute non mais j'aurais jamais cru que ça serait allé jusque là. C'est fou. Est-ce qu'on peut dire un peu l'histoire pour donner envie aux gens de le regarder? Bien sûr, parce que c'est un sujet qui est assez pareil, inconnu, ouais. Que je connaissais pas non plus, ouais, du tout, même en étant une femme. Ça parle de la ménopause précoce qui peut arriver donc dès 17 ans, hein. Moi, ouais, mon personnage a 30 dans le cours, mais dès 17 ans on peut être ménopausé, donc ce qui est très spécial, très spécifique aux femmes, dans le sens où on a comme une date de péremption, et que c'est très bizarre de se sentir périmée, qu'on veuille ou qu'on veuille pas d'enfant d'ailleurs, notamment dès 17 ans, mais à tout âge. Et donc ça parle de ça, mais je trouve que le court-métrage parle plus aussi de parfois comment la vie peut t'en mettre plein la gueule sur quelque chose auquel t'as aucune prise, et comment qu'est-ce qu'on en fait en fait. Tout à fait, c'est une porte d'entrée un peu ce que raconte Simon dans son spectacle en fait, et je trouve que c'est ça qui est joli dans cette nana là tout d'un coup, c'est un peu c'est un peu une petite mort intérieure, et comment ça la bouscule, et comment en fait elle va faire des choses qu'elle aura peut-être jamais fait si elle avait pas eu ce truc là dans sa vie, et qui sont plutôt positifs pour elle, qui l'ouvre et qui la voilà. C'est vachement bien, vraiment, je vous invite à le regarder, moi j'adore ce court-métrage. Jérémy, est-ce que tu pourrais adapter un de tes personnages? C'est vrai que tes fictions sont souvent des personnages, j'ai l'impression que c'est un peu ta façon d'écrire, c'est d'abord tu penses au personnage ou machin. Est-ce que tu pourrais faire des bandes dessinées ou un tome de bandes dessinées adapté d'un de ces personnages que tu as fait en sketch? Est-ce que c'est un truc auquel tu penses, ou est-ce que... Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse aussi? Parce que c'est vrai que t'es auteur, comédien, et j'ai l'impression que c'est un peu lié, tu t'écris les rôles que t'as envie de jouer. En fait, j'ai produit un podcast. D'accord, oui, c'est vrai. J'avais lancé une mini-série sur Snap qui s'appelait Fantasia Story, et t'avais le personnage Petit Croustillant. et en fait, du jour au lendemain, le filtre a sauté, et c'était comme si mon personnage principal mourait. Ouais. Et je me suis rendu compte que les gens, ils m'envoyaient plus les répliques, enfin, ils étaient plus fans des répliques que vraiment du filtre. Et du coup j'ai réadapté ça en podcast, et pour ça, pour illustrer les visuels, j'ai demandé à un dessinateur de me faire les trucs, et du coup genre ça m'a un peu titillé au niveau de la BD, parce que je pense ça pourrait être cool, la BD. Ouais, donc c'est un truc, ouais, qui pourrait t'intéresser. Ouais. T'en avais écrit des BD, Simon, ouais, t'avais adapté des aventures. J'en ai en cours, j'en ai en cours. Ah, et aussi. Tu continues? Ouais. Ah, super. Donc, là, le discours, la BD. Ce serait fou, cela dit, que tu sortes le spectacle en BD. Le texto de Fab Caron derrière. Gars. Mec. Non, mais juste mec. Ouais, mec. Mais c'est fou. Adrien, j'ai beaucoup aimé ta liste d'Inktober. De ton côté, est-ce que tu prends une pause ou est-ce que tu as juste un peu moins le temps? Non, je suis en retard. Juste, je précise, Inktober, c'est un défi qui a lieu. On sait ce que c'est. Mais pour les auditeurs, t'as parlé trois quarts d'heure de ton spectacle. Je peux dire un truc? Moi, c'est de la merde, c'est des dessins à la con. Tout le monde s'en branle. Excuse-moi, je les ai vus, tes dessins. Je la couverture à moi. Je trouve magnifique comme toi, en fait. Il y a un Inktober. Je t'adore, en fait. Moi aussi, je t'aime énormément. Mais baiser devant mes yeux. Il y a un de tes Inktober qui a tourné de ouf en plus. Celui avec ah bon le psy. Ah oui, c'est vrai, psy, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est trop fort. Non, donc Inktober, c'est tous les mois d'octobre, c'est un défi de faire un dessin par jour. Et on peut s'aider de soit la liste officielle Inktober où il y a un thème par jour. Et il y a depuis quelques temps des dessinateurs et dessinatrices ou autres d'ailleurs qui font leur propre liste. Et moi, bah, ça fait donc 2 ans que je fais ma propre liste. Et que donc je vois les dessins des gens et c'est trop cool. Et puis bah, j'ai commencé à faire les dessins aussi moi. Et là je suis un peu en retard, mais je vais essayer de rattraper mon retard un peu là. Enfin, j'ai même des dessins que j'ai pas encore postés parce que je sais pas, j'ai pas pensé, j'ai pas eu le temps et tout. Mais je fais pas une pause, juste je me suis un peu laissé dépasser par le temps. Très bien. Voilà. Tiffen, donc il y a la saison 2 de HP qui est sortie ou qui va sortir? Elle vient non, qui sort le 4 novembre. D'accord. Oui, donc, mais non, incessamment. On peut oui, le dire, incessamment. Oui. comment s'est passé le tournage de cette série? Est-ce que tu as fait des recherches? Tu as rencontré des gens? Comment ça s'est passé avec. J'ai fait des recherches de. Je sais pas, pour le rôle. C'est, moi, je te lis les questions des gens. Ah, hein, oui, je te dis, oui. Je te dis tel ah, quel. Ah, ou tu avec, veux dire oui, pour, oui, pour préparer le milieu hospitalier de l'hôpital psychiatrique. Oui. Avec les auteurs peut-être tout simplement ou avec oui, la réalisatrice. Oui, en fait, au moment de la première saison, on tourne dans un vrai hôpital psychiatrique qui est énorme d'ailleurs, qui s'appelle Paul Guiraud et qui est à Villejuif, qui est presque une ville. Hein, le truc, c'est très impressionnant. Et en fait, on avait rencontré les gens qui bossent dans l'hôpital pour avoir un peu questions ouvertes comme ça pendant 3-4 heures pour poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être interne en psychiatrie. Après, moi de mon côté, j'avais rencontré par exemple mon agent, son meilleur pote, et c'est son métier. D'accord. Donc j'avais pris pareil un verre avec lui, etc. Et après, j'avais maté pas mal de documentaires, notamment de Depardon, ou même France 2 a fait des trucs assez incroyables sur le sujet. Et mais après, ce qui est le plus frappant, c'est de voir qu'il n'y a pas tellement. Je me disais, est-ce qu'il y a une manière de se tenir ou de machin ou de partir. Comment on s'adresse aux gens et tout. C'est très spécial en fait, la psychiatrie quand même. Puis on a beaucoup d'images en tête, d'images, de préjugés. Oui, voilà, c'est ça. Tu dis, mais mon Dieu, mais ils n'ont pas d'entonnoir sur la tête. Oui. Où sont les camisoles? Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut pas dire? Ouais, voilà. Enfin, voilà, il y avait un truc un peu comme ça. Et en fait, en parlant avec les gens, je me suis juste rendu compte qu'il y avait des personnalités très, très, très différentes. Ouais. Mais que. Et d'ailleurs, c'est ce que m'avait dit le meilleur pote de mon agent. Il m'avait dit, mais il y a rien de. Enfin, en fait, il y a autant de psy qu'il y a de gens. L'idée, c'est juste d'être soi. Il n'y a pas une question d'aller chercher des trucs farfelus. Ouais. Mais le grand truc qui les rassemble tous, c'est une méga empathie de l'autre, en fait, qui est assez beau quand on parle avec les gens qui font ce métier-là, parce que franchement, c'est quand même un métier de l'enfer. Je veux dire, comme plein d'autres, mais qui est mal payé, qui est pas valorisé, enfin avec des horaires de fou et qui se prennent des trucs dans la tronche dingue. Mais ce qui est assez beau, voilà, c'est cette curiosité, cette empathie, cette envie d'aider, quoi. Très bien. Voilà. Ce que raconte d'ailleurs aussi la série, cela dit, il y a vraiment ce truc-là. Ouais. Donc, saison 2 qui arrive sur OCS. Qui arrive sur OCS, 4 novembre. 4 ouais. Elle est trop cool la série. Elle est vraiment bien. Et Tiffany, elle est trop bien dedans. Simon, une question pour toi. Avec le recul, après ces années, quel est ton héros préféré de HeroCorp? C'est comme choisir comme des gens. Et là, direct. La BD, le discours. le mien. C'est le tien. Ouais. Bah ouais. Un peu égocentrique, mais. Ça va, Adrien. On peut répondre à des questions sans que, à chaque fois, tu fasses des remarques cinglantes. C'est quoi cette émission? C'est cinglante cast? Je crois pas, non. Je crois pas. J'aimerais beaucoup écouter, en tout cas, ce podcast. C'est un podcast que je suis en train de monter. Cinglante cast. Oui, le mien, parce qu'il est. Symboliquement, il se protège des choses. facilement. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est que ça. Il y a beaucoup de temps en fait. Oui. Ça parle de trouver sa place, de tout ça. Donc ça reste ça. Même si c'était des problématiques plus fortes à l'époque, quand j'avais 20 ans. Oui, bien sûr. Et que maintenant, je me sens. Enfin, c'est ça qui est beau, c'est que d'un coup, on écrit un truc pendant longtemps et c'est son ultra réalité et c'est ce qui nous traverse le plus. Et puis après, le truc se fait, sort, ça a été merveilleux. Et là maintenant, ce que je raconte comme histoire maintenant, c'est plus moi maintenant, donc ça me traverse encore plus. Et ça qui est beau aussi, c'est qu'on n'est pas. En train de me dire, je ne vis pas sur un regret d'avoir fini Hérocorp, je vis sur une excitation de me dire qu'est-ce que je vais raconter maintenant de nouveau. Voilà. Donc effectivement, dans la série, c'était mon personnage parce qu'il s'en sortait de tout. Voilà. Que s'est-il passé avec le Discord et le Discord. Je peux le faire aussi, Adrien. C'est pas, pas le monopole hein, des jeux. C'est le programme court qu'on fait. Le Discord, qui est un espèce, donc le, c'est quoi? C'est une appli? Non, c'est un logiciel, un truc. Oui, pour, enfin, c'est un salon de discussion. Un salon de discussion. Bah, en fait, le podcast marche bien, donc il y avait plein de gens, donc c'était bordélique à gérer. Donc, pour éviter que ce soit qu'on puisse justement plus gérer, on s'est dit bon bah voilà. ça dégage. Donc les gens qui se sont rencontrés via le Discord peuvent se voir après et discuter ailleurs. Mais voilà, on a supprimé le Discord parce que vraiment on n'arrivait plus, on n'avait plus de modérateur, on n'avait plus de trucs. Donc on s'est dit bon, on n'arrive plus à gérer ce truc-là. On avait autre chose, on avait plein d'autres choses à gérer avec Adrien plutôt que ce truc-là. Donc on a arrêté. On va passer aux recommandations culturelles. Je vous ai demandé normalement dans les petits textos que je vous ai envoyés une recommandation culturelle, que ce soit cinéma, série, théâtre. Retourner au théâtre, d'ailleurs on le rappelle quand même, hein, c'est Simon. Le discours. Théâtre Michel. Discours. Théâtre Michel. Livre, peu importe. Adrien, j'ai envie de commencer par toi, parce que t'en as combien? Non, j'en non. ai... 19. J'en ai deux. J'en ai deux. Non, il y en a une, je pense qu'on a en commun, donc je te laisse commencer. Bah, je vais pas être très original. Mais tout le monde l'a beaucoup conseillé, mais c'est vachement bien. Squid Game. C'est Squid Game, la série. Non, c'est le documentaire de Clément Cotentin, c'est ça? Bien sûr. Voilà, ne montre jamais ça à personne. Ouais, montre jamais ça à personne. Documentaire qui suit donc la carrière de Aurel San et son entourage. Non, je trouvais ça vraiment trop bien. J'ai tout regardé en une soirée. Je trouve ça super. Ça se binge bien, comme on dit. Ça se binge extrêmement bien. J'ai un podcast série où je dis des mots comme ça. Non, mais moi, je l'ai trouvé hyper bien et je me suis dit que ça devait être super bien de voir ça. Genre, pas mon neveu, qui est déjà fan d'Aurel San à la base, mais en plus qui lui. Là maintenant, il est en école de cinéma, il fait ses courts-métrages avec ses potes et tout. Je suis trop content qu'il puisse voir ça en fait, parce que c'est un truc qui est hyper important sur le côté, sur l'importance de l'entourage en fait. Enfin, tu disais, on a un groupe de potes, on fait des trucs ensemble et tout. C'est hyper important. Enfin, ça montre l'importance de ça, d'avoir des gens autour de toi qui te portent. Et je trouve que c'est hyper touchant dans le côté. En fait, tu retires une personne de ce groupe-là et il y a plus rien quoi. Enfin, en fait, il y a vraiment un équilibre. Un équilibre humain qui est hyper touchant. Et l'honnêteté de tous à ce sujet est vraiment rafraîchissante de ouf. Plein de fois, t'as Aurel qui dit moi, j'aurais arrêté, machin. Ouais, voilà, L'autre qui dit bon, moi, j'aurais pas trouvé de rappeur pour faire. Enfin, c'est vachement bien, quoi. C'est beau, c'est touchant et c'est marrant aussi. C'est très drôle. Très, très marrant. Il y a des scènes comiques. Des fois, ils racontent des trucs où c'est juste 5 minutes de vanne autour d'un truc qui leur est arrivé. Et donc, oui, si vous imaginez que vous êtes tous au courant, mais le fait est que c'est son frère qui l'a filmé de leur 15-16 ans à peu près, un truc comme ça. C'est ça déjà. Fou parce que. Et la croyance en son frère, il a dit mon frère va devenir une star demain. Ouais. Et il le filme tout le temps, alors qu'au début, c'est vraiment la loose. Il y a des fonds de coca sans bulle, dans un clic-clac déplié. Et au final, jusqu'à Bercy, quoi. Donc il y a plein de trucs très marrants de cuts de quand ils sortent leur premier album et qu'il y a un journaliste qui les défonce et qui dit lui, je m'en souviendrai au moment de la victoire de la musique. Et à cette époque, ils ont rien. Ouais. Et après, 10 ans plus tard, tu les vois avec les 3 victoires. Enfin, tout ça, c'est vachement kiffant à regarder. Mais ce qui est assez chouette aussi, c'est le parcours de quelqu'un qui était presque pas du tout prédestiné pour faire ça. Enfin, je veux dire, parfois, il y a des trucs un peu plus. Et en plus, même quand il commence à fonctionner, je veux dire, il y a des moments où ça foire totalement. Il y a un truc, ça parle vachement quand même de persévérance. Et aussi c'est la nature du gars quand même, qui est d'une bienveillance et d'une gentillesse, enfin, qui est assez rafraîchissante. Et l'intégrité. Enfin, moi, je sais que quand je l'ai maté, ça m'a fait du bien de ah mais oui en fait. Enfin, ça m'a ça m'a apporté des réponses à des questions que je me posais pas, où je me dis mais en fait faut que je me pose ces questions. Et il y a les réponses dans ce docu. D'intégrité, de dire c'est pas grave de moins faire, c'est pas machin, tu rates. Et c'est pas non plus ce truc de crois en tes rêves trop non plus, quoi. C'est quand même des moments de lose, des moments de là. Heureusement que j'ai losé à ce moment-là, parce qu'en fait sans ça j'aurais pas fait ça. Et ça c'est vachement bien. Justement, enfin, le côté persévérance, il y a un côté aussi l'importance de la persévérance des gens qui t'entourent en fait, ouais, parce que y a des moments où toi t'y crois plus. Si t'as personne autour de toi pour te dire mais si moi j'y crois, vas-y, qui te tire par le col, un robot par exemple, peut-être un robot qui te fait une piquée dans les couilles. non mais c'est ça, oui, qui est hyper vendant. Orelsan, ils disent que bah c'est pas un spoil hein, mais lui il dit moi je voulais même pas rapper, je voulais même pas être rappeur. Ouais. C'est ses potes qui lui ont dit mais si, c'est trop bien ce que t'écris. C'est eux qui lui ont botté le cul pour qu'il rappe et maintenant il est là où il en est quoi. Et même avec Gringe, genre ouais, genre ouais, l'histoire super, et tout, faut pas trop en dire, mais c'est un bel arc narratif aussi d'amitié. C'est de... super beau. Non, c'est vachement bien. C'est et je pense même, je l'ai maté avec ma meuf qui écoute mais qui est pas spécialement une fan, et quand même c'est vachement intéressant aussi parce que le personnage est attachant. Oui. Même si tu connais pas bien sa musique ou quoi, suis un héros de film quoi, donc ça c'est assez cool. Et donc quel est ton autre L'autre, alors c'est un tout petit truc, mais c'est il y a la démo, c'est juste la démo d'un jeu, pour l'instant le jeu va sortir je sais pas quand exactement, un jeu qui s'appelle Storyteller qui est que sur PC je crois pour l'instant, et il y a donc juste une démo qui est gratuite qui est sur Steam. Et le principe est assez cool, c'est en fait il y a des cases comme des cases de BD, comme le discours. pas encore sorti hein. Non, là, t'es dessus. Ouais. Dessus, ouais. Et en bas il y a, on a un choix de décors et de personnages, et en fait on a un objectif, par exemple je sais pas, deux cœurs brisés et deux cœurs brisés par exemple. Et en gros le principe c'est on place les lieux et les personnages. Et en fait, chaque lieu a une influence sur l'action, les personnages aussi, etc. Et en fait, le principe, c'est de construire une histoire qui répond à l'objectif en fait d'histoire. Et donc, c'est un jeu. Et il y a plusieurs moyens de... En fait, en assemblant des éléments, on raconte une histoire. Et il y a plusieurs chemins pour atteindre l'objectif et tout. Et c'est avec des graphismes hyper beaux, des petites animations et tout. Enfin, le jeu est hyper cool, hyper tranquille. Très envie. Et c'est vraiment, vraiment très chouette. Et la démo, il y a déjà pas mal de niveaux et tout. Et j'ai hâte que ça sorte parce que c'est... Je pense qu'en plus, vraiment, à tout âge, on peut y jouer. Et c'est vachement bien. Peut-être pas 1000 ans. C'est pas genre à 2 ans, tu vois. 2 ans, non. Non. Donc pas tout âge, tu mens en fait. Ouais, c'est clairement un mensonge. Donc 3 ans, non. Tu dis pas la vérité, c'est quoi. Le jeu n'existe même pas d'ailleurs. Ça s'appelle un scénario en fait. C'est ça. Avec un ordi normal. C'est ça, un ordi. Quel ordi ? Un ordos. Et Notepad. Jérémy, une recommandation à faire aux gens ? Bah ouais, non, moi aussi c'était celui de le doc avec. Ah merde, t'es piégé. Est-ce qu'il y a autre chose ? Sinon, et je peux après, passer à quelqu'un d'autre. On et en tu a peux déjà réfléchir. Parlé, c'est un illustrateur que j'aime bien. Il s'appelle Adrien Méniel. Oh ! Et j'aimerais qu'il sorte un livre, donc n'hésitez pas à aller le DM en masse. Il adore ça. Oui, c'est un de ses trucs préférés. Et ouais. Ouais, moi c'est. Ouais. Mais juste, c'est vrai que je remarque que tu commandes souvent sur mes dessins. Mais t'es putain d'Octobre là, juste tu les fous sur un bouquin et tu sors et t'arrêtes de nous faire chier, tu les mets gratos. Sûr. Non mais j'ai envie de me. Enfin, j'ai commencé à écrire un projet de BD il y a longtemps et j'ai envie de m'y remettre là en ce moment parce que j'ai pas grand chose. Putain, ouais, j'adore quoi. Ça. Ouais, et Simon, oui. Et Simon l'adaptera derrière. Ouais, en mais pièce. Tiffen, quelque chose que tu conseilles aux gens? J'avoue, il y avait aussi le docu, donc vraiment, faut le regarder maintenant. Ah ouais. Et du coup, non, j'ai juste pensé à une série que j'ai adorée dernièrement, qui était The White Lotus. D'accord. Une mini-série pour HBO. Ça parle de quoi? Je suis très nulle en speech. En gros, c'est des personnages, c'est une série chorale, c'est une série bouclée, hein. Et en fait, ils arrivent dans un hôtel de luxe, un peu dans les îles, tout ça, machin. Et ils ont tous, c'est tous un peu des bourgeois avec des grands problèmes. Et en fait, leur vie se croise. Et en fait, ça démarre. Il y a un cadavre au début, mais on ne sait pas qui est mort. Et donc, d'accord, ça remonte le truc. Et donc voilà. Et c'est très très cynique, nostalgique, gênant. Ouais. Et très drôle. C'est très grinçant. Enfin, okay. Moi, ça m'a vraiment plu. Il y a une ambiance hyper chelou que j'avais rarement vu dans une série. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé un ton. Scénaristiquement, c'est assez incroyable et les acteurs sont fous. Et alors, je vous conseille le générique avec la musique qui est complètement dingo, enfin, qui t'hypnotise. Voilà. Déjà, mettez le générique, ça va vous donner envie de regarder. C'est un bon début. Ah, franchement, ouais. Et c'est sur Netflix, c'est... Non, c'est HBO, donc c'est OCS. C'est OCS, très bien. C'est OCS ou MyCanal. Enfin, voilà, comme ça, vous pourrez regarder HP juste après. Donc. Voilà, c'est ça. Vous finissez White Lotus une semaine. Yes. Et après, quand HP saison 2, voilà. C'est genre un who done it, quoi. Le but, c'est de trouver qui a tué. Il connaît tous les termes. Je connais, je suis scénariste. En fait, c'est vraiment une comédie. Est-ce que ça cesse de 4 à un moment? C'est vraiment une comédie, mais évidemment, le truc pendant je sais plus combien il y a d'épisodes exactement, mais oui, le truc c'est putain, attends, c'est lui qui est mort. Non, attends, c'est lui qui est mort. Et évidemment, c'est de savoir comment il est mort. Ah oui, on, d'accord, ok, d'accord. Okay. Ah, ouais, on, de savoir qui est mort, ok, trop ouais, bien. Ouais, c'est, okay, c'est cool. Le cadavre surtout, ouais. Ok, trop bien. Ouais. Trop bien. Simon ? Moi, c'est une série. On en a parlé avec Tiffen beaucoup sur le tournage. Ah c'est, oui, putain, c'est Ted Lasso. Bah oui, c'était Marocco il y a. Mais très bien. Parce que c'est un setup très classique de conflit. C'est un riche propriétaire de club de foot en Angleterre qui est son bébé, son bijou absolu, et qui divorce de sa femme. Et sa femme garde le club, et pour le détruire réellement, donc pour faire du mal à son ex-mari, elle engage un mec qui n'a rien à voir avec ça, qui est un entraîneur de foot US américain, et qui arrive dans un monde qui n'est pas le sien. Et en fait, ça pourrait être un setup très classique, de série très classique, et en fait ça parle de comment est-ce que justement on part d'une aigreur, on part d'un conflit, et ça met en valeur la gentillesse de cet homme, et comment la gentillesse irradie le tout. Et les personnages sont incroyable, et il y a des fulgurances d'écriture à des moments. C'est, et puis surtout, je sais c'est pas comment simple dire. En fait, c'est ça qui est fou, c'est la simplicité. Basique, tu veux dire? Ouais, absolument. Mais c'est la bonté, c'est comment mettre en valeur la bonté à l'heure où souvent on crée des enjeux ultra dramatiques dans les épisodes. Mmh. On fait des cliffhangers de cliffhangers pour garder les gens toujours en haleine, et souvent ça devient limite un jeu tordu, quoi. Et ben là, c'est pile l'inverse. Là, c'est vraiment comment est-ce que. On part d'une, c'est même limite un double sens, quoi. C'est, on part d'un conflit et on le résout en y mettant de la douceur. Mmh. Et ces acteurs sont merveilleux, et voilà. Oui, il y a Jason Sudeikis qui est un acteur extraordinaire. Et il y a cette nana dont j'oublie le nom tout le temps, qui est incroyable. Oui. Qui joue Rebecca. Ouais, la jeune. Ah oui, je sais pas. Voilà, celle-là, enfin voilà, c'est. Oui. Mais tous, ils sont formidables, tous en fait. Juno Temple. Ouais, c'est ça. Juno Temple. Incroyable. Ouais. Génie absolu de tout. Enfin, c'est, je trouve ça voilà, quand on a besoin d'être heureux, on mate cette série qui est sur Apple. Qui est sur Apple TV Plus, et ouais. et moi j'ai aimé Servante aussi, hein, sur Apple TV Plus. Je sais pas ce que c'est. Servante, la série de Shyamalan. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Oui, des épisodes d'ailleurs sont réalisés par Julia Ducournau. Exactement, la saison 2. Mais non, mais c'est une c'est une série. Alors là, par le coup, c'est ultra anxiogène. Mais c'est passer de l'un à l'autre peut-être. Oui, faut alterner, ouais. Mais c'est pareil en termes de mise en scène, c'est un retour à la. Mais t'es très fan de Shyamalan aussi. Très fan de Shyamalan. Même si j'en ai deux de retard, je crois, ou un de retard. T'as pas vu Hall sur l'île hein. Ouais. J'ai pas vu Hall. Ça, il paraît que c'est pas très bien en plus. Bah, il était jeune en fait depuis le début. Et bien, quant à moi, je profite de la présence de Simon Assier qui vient nous présenter le discours de Fab Caro, puisque moi je vais vous conseiller la bande dessinée Moon River, qui est en gros la dernière bande dessinée de Fab Caro. Oh. Fab Caro. Quelle productivité ce mec. Ouais. Et justement, en fait, c'est assez. Moi, je me suis dit cool. Allez, je vais encore me marrer avec des situations cocasses et absurdes. Et c'est le juste milieu entre ce qu'il fait en roman et l'absurde de ses BD comme Zai ou Zai. Si on s'aimait Zai. Toutes ces BD Zai quoi. Zai. Et bon, je sais qu'on parle beaucoup de Fab Caro et tout, mais là c'est vraiment là je l'ai trouvé encore ailleurs, parce que je m'attendais vraiment juste à rigoler, et il parle beaucoup de lui. Il parle beaucoup justement du fait qu'il est un peu l'auteur de BD qui pond mille trucs en ce moment, et que son rapport à ça, et je vous en dis pas plus pour pas spoiler, et c'est quand même très très drôle, puisqu'en gros ça, c'est un truc de film noir, donc c'est avec un détective privé et un meurtre, alors c'est pas un meurtre mais je vous en dis pas plus, sur un tournage de film dans les années 50, etc. mais il parle beaucoup de lui. Et vraiment, je vous conseille, c'est vraiment, je l'ai commencé en disant, ah, ça y est, sur une page, il y a un cheval entier qui prend un café. Enfin, tu vois, il y a des trucs vraiment cons. Et en fait, non, il parle vraiment de trucs très personnels. D'accord. Et c'est assez touchant. Et d'ailleurs aussi, j'en profite pour finir sur cette spéciale Fab Caro, Broadway, qui est son autre roman qu'il a fait après Le Discours dans la même édition, qui est un peu plus noir, hein, je trouve, enfin un peu plus tristoun. Parce que Le Discours, comme tu disais, il y a un peu de légèreté. Je trouve qu'il ouvre un peu moins sur celui-là, mais du coup, qui est aussi quand même toujours très intéressant et toujours. Tu parlais du discours, hein, y a ce truc un peu observation que moi j'aime beaucoup, quoi. C'est à la limite du stand-up parfois, quand dans le spectacle, quand vous parlez de la chenille ou quand tu parles de la chenille ou autre chose comme ça, Il y a des trucs où vraiment tu te dis ah bah oui je connais ces trucs là, ouais. J'ai été à ces endroits là. On se reconnaît dans plein de situations et ce qui est ouf c'est que c'est des gens d'âge très différents souvent et qui disent mais c'est ma vie en fait, ouais. Parce qu'il y a tous ces moments où t'as eu envie de gerber tellement que t'étais horrifié parce que j'étais obligé de faire un truc ou un truc en famille, les repas de famille, plein de situations où tu fais oh là là, mon Dieu, c'est horrible, et voilà, il a ce sens là, ouais, vraiment. C'est ça, et puis du bon mot et du bon truc. Donc voilà, Fab Caro, Moon River en bande dessinée ou Broadway en roman. Moon River, vraiment, ça se lit vite et c'est vraiment très très très drôle. Et la BD est belle, enfin la couve et tout, c'est un vrai bel objet. Donc je vous le conseille pour les fêtes de Noël qui arrivent bientôt et les fêtes d'Halloween si c'est vous faites des cadeaux. Bientôt, non, ouais, deux bons mois. J'ai hâte que l'année se termine. Voilà, 2021. On va faire un petit tour de table pour rappeler les actualités de chacun. Jérémy, donc tu as sorti il y a quelques temps maintenant, mais qui est toujours disponible, Franck Lacarpe sur YouTube. Ta série audio, tu nous avais déjà parlé quand tu étais venu, qui est toujours disponible sur Fantasy. Fantasia Story, excuse-moi. Cybèle, est-ce que tu as d'autres choses aussi de... Ben là, genre, en préparation, là, donc le stand-up surtout là. Stand-up et prochain court-métrage, je sais pas quand, mais je suis en cours. Qui est en écriture aussi. Ouais. Ok, super. Tiffen. Titi. Oui. deux séries, donc comme je disais. HP, donc le 4 novembre. J'ai tué mon mari sur 13e rue, donc c'est pareil, c'est Bouquet Canal, mais fin novembre, mais j'ai complètement oublié la date. J'ai pas trouvé la date, je t'avoue, quand j'ai regardé sur Google. Personne ne le sait. Non, mais j'ai vu que vous l'avez présenté à Angoulême. Pas Angoulême, à La Rochelle, pardon. Ouais, tout à fait. Je suis sûre que c'est fin novembre, mais voilà, dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir ça, ouais. Je pense que ça peut être très très cool. Ouais. Après, j'ai un film aussi qui s'appelle Presque, qui est le prochain film de Bernard Campan et Alexandre Julien, qui est très beau, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. J'en ai entendu parler en très bien, puisque j'ai croisé Christophe Effenstein, qui est directeur photo du film, je crois. Oui, de, voilà. Cinoche. Co-réalisateur de. Très chouette gars d'ailleurs. Et croisement de la vie, puisque co-réal sur le documentaire. C'est loin. Exactement, et qui a vrai, aidé et qui a aidé Clément sur le documentaire. D'accord. Aussi, voilà, quelqu'un qui est multicasquette. Ouais, très fort, et qui a aussi on peut presque dire co-réalisé aussi presque, enfin il est D'accord. Il a vraiment ce truc là Non, c'est un mec adorable et il m'a dit qu'il avait adoré le scénar du film, super, et que le film bien, bien, hyper touchant, enfin je vous le conseille, ça sort fin janvier, je crois que c'est le 20 janvier. Très bien. Et vraiment feel good. Voilà, et sinon j'ai un téléfilm aussi qui sort, un polar sur France 2 lundi soir, je sais pas quoi, qui s'appelle L'ami qui n'existe pas. Ah bah donc dès ce soir, je crois, quand l'épisode sortira. C'est ce soir, on est lundi. Non, on est on est actuellement dans le futur. Hein, je suis très impressionnée, j'ai rien senti. Voilà, trop exactement. Bien. Voilà. Et là, je tourne une série Netflix. Donc je peux rien dire parce qu'ils aiment pas qu'on dise des trucs. Oh, ça va, dis le titre, ça ressemble à Lupin. Non, mais très bien, très bien. Et Fragile aussi, j'ai pas eu le temps de le voir malheureusement. Ouais, c'est cool, Fragile. Mais la bande annonce était vraiment très marrante. Ouais, et, très très joli film. Et ça va être en VOD, j'imagine, en fin d'année, début d'année prochaine, j'imagine. Ouais, je pense que c'est sorti fin août. Donc, oui, c'est pour les fêtes de Noël. Pour les fêtes de Noël, très beau cadeau de Noël. Qui arrive une petite la semaine prochaine. Une carte iTunes. Cela dit, avec les années de merde qu'on s'est tapé, le moral un peu. C'est vrai, il est hyper solaire, c'est une vraie comédie très fraîche et tout. Donc je le conseille parce que ça fait du bien en fait. Mais ouais, je suis deg. Parce qu'il est sorti, il y avait plein de choses, c'était l'été et tout. Et la bonne annonce, c'était vraiment, ça avait l'air trop marrant. Parce c'est vraiment cool. Comédie auteur, entre guillemets, en tout cas, indé, carrément. Et ça donnait vraiment envie, quoi. Donc, donc j'ai vraiment hâte de voir ce film. Yes. Hâte de voir ce film. Simon, donc le discours au théâtre. Le discours au théâtre. Bien sûr, au théâtre Michel. Jusqu'au 8 janvier. Théâtre Michel Larocque, d'ailleurs. c'est le nom entier. C'est en cours. de rachat. Ça va niquer toute la façade parce que faut changer toutes les enseignes. Ça va dépasser sur le théâtre d'à côté, c'est... comme sur les cartes d'identité. C'est pour ça que c'est en cours. Théâtre Michel jusqu'au moins le 8 janvier, après en tournée. Très bien. Dans toute la France et les pays anglo-saxons où on parle français. Oui, voilà. Pas autour. Copenhague du coup. Non. Plutôt mais crevé. Ça ouais. Ils vont perdre le prix. voilà, je suis en montage de ma série Visitors avec tous les gens ici présents ici. Et voilà, et plein de choses. Après, ça me prend beaucoup de temps, mais voilà, ça prend toujours du temps la création. Ouais, mais voilà, ça et puis après du cinéma qui arrive l'année prochaine d'après. Voilà. Magnifique. Tout en fait. Ça va bien. Mais tout là, marche bien, là pour l'instant, c'est le discours. En veux-tu, en voilà. J'en veux. On en veut. Oh, non, et puis Visitors, voilà, j'aime beaucoup cette série. Mais vous reviendrez nous en parler, surtout Visitors, quand ça sortira. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. À régler. avec Simon. c'est peut-être le meilleur teaser là. Franchement, c'est peut-être le meilleur teaser. C'est grave. On va lui envoyer un gang de sang. Et donc, eh bien, quant à moi, toujours la tournée de Baptiste Le Caplain, du son spectacle Voir les gens, que j'ai eu la chance de coécrire avec lui. Quand vous écouterez cette émission, si vous l'écoutez la semaine de sa sortie, voilà, il sera à Saint-Étienne le 27 octobre. À Saint-Étienne. À Béziers le 3 novembre, ah ouais. À Bourg-les-Valence le 4 novembre, à Grenoble le 5 novembre, à Annecy le 6 novembre. Enfin voilà, il y a plein de dates. Besançon, Chenove, vers chez nous. Au Cèdre à Chenove. Bien sûr, ouais. Le Cèdre de Chenove. Je vais y jouer à Chenove. Ah. Ah oui. Très très belle salle à Chenove. Très jolie salle. Mais dites Dijon en vrai, c'est à ouais, côté. C'est ça, c'est vraiment juste à côté. Donc voilà, plein de dates. N'hésitez pas à regarder ça sur le site de Baptiste, bastiocapla.fr. Voilà, tout est très bien écrit. Et eh ben normalement, si vous écoutez cet épisode, il y a un sketch de McFly Carito sur lequel j'ai écrit un petit peu, qui est sorti hier. Voilà, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas comment il est. Peut-être non, mais mais en tout cas, c'était trop marrant à écrire. Et donc voilà, en tout cas, c'était bien cool. Donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Adrien, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je vais juste dire qu'il y a la série Hors de lui qui on a enfin une date de sortie. C'est le 12 novembre. Ah, série de Baptiste Lorbert. Le teaser est très marrant. Sur quelle chaîne, Adrien ? Sur quelle chaîne ? Sur France TV. France.tv, bien sûr. Hein, sur la plateforme France.tv. Non, ouais. Pas slash. Ah, pas France slash, TV, pas du tout. France.tv. Ouais, et le teaser est très drôle. J'ai pas encore vu parce que l'AVP n'est pas passé encore. Ouais. J'ai beaucoup ri sur le teaser. Et bon, moi, j'ai un petit rôle dedans, mais voilà, ça sort le 12 novembre. Et puis les autres trucs, je le dirai quand j'aurai des dates de sortie parce que c'est. Mais non, disons pas trop, mais peut-être voilà. En tout cas, c'est sûr, Baptiste viendra nous en parler et peut-être qu'on fera un épisode avec certaines personnes de cette série. Voilà, non, disons pas trop. Sinon, on serait pas un peu teasé là, j'ai l'impression. On tease à fond à la fin. On se sent vachement teasé. Bah ouais, on est tous très teasés. Écoutez, merci beaucoup d'être venu, c'était très cool. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde, bisous, ciao. Tu bailles à la gueule des gens, bordel. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.